Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Il est long, ce générique. Définitivement, ce générique est très... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'apéro original, 14e enregistrement. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah oui, il faut que je présente les gens, c'est ça. Alors avec moi autour de la table, bah, les mêmes que d'habitude, mais avec en plus des autres gens. Bonjour. Donc les mêmes que d'habitude, à savoir Azertov. Coucou, c'est moi. Gandalf. Salut. Et Toche. Adichatz. Et avec nous en plus pour cette session d'enregistrement, Benjir. C'est ça. Et péremptoire. Bonjour. Qui pour sa troisième participation va passer sociétaire. C'est Gandalf. Ouais. Oh. Ah, merci. Mazel tov. Merci les grosses têtes. Pour rappel, nous sommes toujours diffusés sur un canal incertain de Pod Radio. Oui, j'ai regardé, on était sur, mais je sais plus. Zoltan. Ah, on est sur deux canaux. Il y a Benjir qui est juste après nous sur un des canaux et il y a. J'aime pas que tu sois après derrière moi. Il y a Monnaie Libre sur un autre canal. Voilà. T'as pas les jours du coup ? Non, je sais plus. Ouais. Bon, on est diffusé sur Pod Radio en tout cas. Ouais. Donc il faut aussi que je rappelle un truc qui s'appelle Pod Rennes a priori. Ouais. Voilà, moi, je sais pas trop ce que c'est. Oui, c'est un événement autour du podcast, voilà, autour le week-end de Pâques, donc 20 et 21 avril 2019. Faut peut-être c'est même la référence du... La... Alors ça, c'est pas nous, on ne dit pas qu'on est la référence, mais si tu dis qu'on est la référence... C'est la référence des événements, quoi. Ouais. Podcastique. Ouais. Français. Français. Ouais. Francophone. On était les premiers, bien sûr. Donc, sauf Paris. Arrête. En tout cas, à Rennes, c'est sûr. Ouais. Voilà, inscrivez-vous sur podrennes.fr, c'est très gratuit, il y a plein d'infos. Du covoite, venez en hélicoptère. Pour rappel aussi, un code promotionnel apéro original. Ah, mais qu'est-ce qui peut vous apporter ce code? Des matelas. Eh bien non. Deuxième chance. Il marche pas sous AliExpress? Est-ce que ça marche sur AliExpress? Non, il ne marche pas sous AliExpress. Il marche sur le site Beemaker. Eh bien c'est mieux. Donc un site pour acheter du matériel pour faire votre propre bière à la maison. Donc le code apéro original, APEROORIGINALE. J'aurais pas le courage de faire ça en troisième. Je suis perdu, je l'ai plus. À jeun, il est pas l'apéro original sans ouais, fait. Et donc vous aurez une ristourne, comment on dit, une petite réduction de 15% sur votre commande. Voilà pour le. C'est bien d'avoir cité le sponsor. Ouais. Ah. Je crois que surtout. Je crois que le bien c'est qu'on a même pas annoncé tellement one game to beast to fly. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'on a un jingle autant en retard. Oui, ah ouais, là. C'est jingle en retard. En retard, bah, t'aurais pas dû le mettre et... Mais si, c'est comme ça, c'est drôle. C'est... Non, en plus, il était là, d'accord. Je sais pas regarder... En relisant le conducteur, je m'en suis rappelé. Faut qu'on remercie aussi nos chers votants de... Oui. Podcast Award. Oui, exact. Mais avant de parler de ça, pour continuer, chez Beemaker, oui. Il y a une petite annonce à faire. Ils vont proposer un nouveau kit le 21 septembre que je regarde... Pile pour la sortie, cet épisode quasiment. C'est ça, le vendredi 21 septembre, ils vont proposer un nouveau kit sur leur site internet. Donc c'est un petit kit qui vous permet en fait de brasser 1,5 litre de bière. Donc c'est un. Pour expérimenter, ça peut être sympa. Ouais. Pour expérimenter pour. C'est ça. Donc dans le kit, il y a juste de quoi faire. Il faut utiliser nos propres bouteilles, mais une bouteille en plastique pour toute la préparation et ensuite une bouteille en verre classique. La Rosana. Ça suffit. donc dans le kit, on a de l'Extend Malt, donc qui permet de un meilleur résultat pour 1h05 pour 1h30 de brassage. Mm-hmm. Oui, je lis en même temps le mail que vous envoyez. Justement avec toutes les informations. Tu sais lire, c'est bien. Ouais, bon, je sais pas lire. Donc il dit, pour la fermentation, on utilise une simple bouteille en plastique de 2 litres, puis deux bouteilles de vin de 75 centilitres. Mmh. Ouais, pour répartir un petit peu. Donc le kit en tout contient de l'extrait de malt, houblon, levure, un nettoyant, deux bouchons muselés, donc pour les bouteilles de vin, un barboteur, un bouchon de fermentation et deux sous-bocs. Oh. Okay. Et tout ça pour 24,95€. Ça aborde un peu. Donc voilà, c'est vraiment là le kit d'entrée, vraiment je pense, entrée de gamme pour juste se faire la main, voir comment ça se fait avant de passer sur un kit, enfin leur kit de base, on va dire, avec là où il y a vraiment le fermenteur, le gros. Moi je pense que je pense à ça, ouais, je pense. Ça peut être marrant. Ouais, c'est bien parce que leur kit déjà c'était 5 litres. Que tu brassais, même si au final tu retirais normalement 3,5 litres, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. La cuve fait 5 litres, mais c'est dans l'objectif de. C'était déjà bien pensé, c'était déjà bien pratique. Mm-hmm. Là, je trouve intelligent de revenir sur un format un peu plus traditionnel parce que ça évite aux gens qui veulent vraiment démarrer d'être rebuté par la quantité des 3 à 5 litres. Mm. Voilà. Là, 1,5 litre, tu dis bah, c'est facile à visualiser, c'est une bouteille ou deux, enfin 2 fois 75, quoi, t'es tranquille. Quoi. 1,5 litre, il va te falloir une casserole de 2 litres. Oui, voilà. Mais pour 20 litres, quoi. T'es quand même toujours obligé de faire fermenter pendant 3 semaines. Mais c'est le principe de la démarche. C'est dire, dans 3 semaines, tu fais boire une bière, quoi. C'est le principe de la démarche, c'est d'éduquer un petit peu sur la façon dont on le fait, quoi. Après, la recette, c'est la même chose. C'est que c'est en. Et tu peux le faire dans ton frigo, quoi. Et donc, moi, j'avais demandé de recevoir des goodies de Beemaker. Donc, j'ai le sous-boc. Qui est quand même assez. Qui est choisi, bon. Il est plutôt pas mal. J'adore le bruit. Ben écoute. Attends, on va dire ça, on va comparer à ceux qu'on a sous la main. Il est plus fin. Il est peut-être un poil plus fin. Ouais, il est fin. Mais il est un poil plus grand aussi. Ouais. Non, il est. Un poil plus rouge. Il a une belle gueule, le logo est bien dessiné. C'est plus gras. C'est plus fin. C'est du petit goodies. C'est plus rouge. C'est ça, dans le kit de goodies, donc il y a un sticker Beemaker directement. Et ensuite des stickers pour mettre sur les bouteilles, donc pour indiquer bière maison, le nom dessus et brassé par la personne qu'on veut, et on peut écrire dessus. C'est pas mal ça, parce que ça te permet aussi de faire des sessions brassées avec plusieurs personnes à la limite. C'est ça. Dans une après-midi, tu peux te permettre éventuellement d'en faire 2 ou 3. Parce que en termes de temps, ça représente quoi pour 1,5 litre? Ça va. Bon, il y a le temps de. Il y a le temps de chauffe qui est incompressible, mais. C'est voilà. Ça, là, il dit, il y a 1 heure. Tant que je retrouve les notes. 1h30 de brassage. Ouais, bah, c'est que dalle. Ouais, c'est que dalle. Non, c'est bien. Enfin, honnêtement, le passer sur le format 1,5 litre, moi, je trouve que c'est. Ouais, c'est pertinent. Moi, j'avais fait un truc de 21 litres. Ouais. Un gros truc. Et après, en fait, comme il faut attendre vachement longtemps et que les bières doivent rester à la bonne température. Nous, on les avait fait tremper dans une baignoire avec de l'eau pendant un mois, quoi. Donc, c'est pas mal aussi d'en faire plein. Mmh. Ça te permet d'inviter des gens, tout ça, quoi. Mmh. Ben là, c'est sûr qu'avec 21 litres de brassé, oui, t'as de quoi faire. Hein. Bah, une soirée. Ouais, pas plus. Hein. Faut pas inviter trop de monde. Non plus. Faut pas inviter jeunes gens. Non, mais c'est bien. Ça, la démarche globale qu'on a et qui a tendance à se développer, où ça, on est en train de populariser les kits de brassage. Franchement, c'est juste à encourager, je pense. Après, pour le type de bière, donc c'est forcément une bière faite maison, type Belgian Ale doré. Mmh. Et il dit que c'est normalement légèrement houblonné. Ouais. Donc on va dire que c'est plutôt une bière classique. Ouais, c'est la bière de cowboy, quoi. C'est la bière standard. C'est celle qui va trouver le meilleur compromis pour pas rebuter les gens qui ont un petit souci avec l'amertume. Ça doit être l'entrée de gamme pour dire tu connais pas trop de la bière, tu peux commencer par ça pour faire un petit peu la main. Ouais. Bah, une blonde belge, quoi. Donc voilà pour Beemaker. C'était quoi l'autre les Ah oui, les PPA. Ouais. Les PA, du moins. maintenant. Oui, maintenant c'est Castowar. Merci aux 16 votants de mémoire qui ont voté pour nous. Voilà. C'est toujours ça. Ouais, c'est toujours 16 personnes qui a priori étaient satisfaites. Donc sûrement 4 ici. Non. Ouais. Ah non, j'ai pas moi voté. Je me suis interdit. Ah non, j'ai pas voté. Je ne connaissant absolument aucun d'autres podcasts, que ce soit dans notre catégorie ou d'autres catégories, je ne peux pas voter. C'est vrai que pour cette année, on n'en a pas parlé, donc quoi qu'il se passe, le système de vote a été revu. Mmh. Avant, c'était on votait pour toutes les catégories sur 15 minutes, sur 15 jours de vote, mais tu pouvais voter tous les jours pour toutes les catégories. Ouais. Alors que cette année, c'était pendant 2 jours, tu pouvais voter pour une seule catégorie. Et tu pouvais voter, l'année dernière, tu pouvais voter aussi en plus 2 fois par an. Oui, 2 fois. Parce que, ils partent du principe que si tu es 2 personnes à utiliser ta connexion internet, tu peux voter chacun différemment. Donc c'est pour ça qu'ils s'autorisent une limite de 2 votes par jour par IP. Puis après, personne ne joue sa vie non plus, donc du coup, il n'y a pas. Au contraire, si ça peut faire participer. Mais pourquoi pas, on aurait peut-être recruté par Binge Audio. ça peut changer ta vie, quoi. Toi tu commences pas. Toi, tu commences. Ça change ta vie. Ouais. D'ailleurs, je remarque un truc, Pépé, tu t'es pas mis à côté. Non. tu m'as pas dit que. Non c'est, Je voulais être à côté de Gandalf, mais il voulait pas. Ouais, on est fâché. On aurait pu. Bah, sociétaire, ça y est, ça clash. Ouais, direct. Moi je voulais manger des biscottes avec Gandalf. Ouh, toi t'as l'air mangé de la biscotte. Une préparation collégiale. Je te laisse la main. Par rapport au podcast Awards, tu voulais remercier qui en fait? Oh bah les concurrents de notre catégorie. Mais oui, les aussi, voilà. C'était contre qui? Je sais plus qui c'est qui a gagné d'ailleurs. Dans notre catégorie, c'est Zali Falcam qui a gagné avec son podcast. Comment ça s'appelle hein? Je vais te laisser te retrouver. Voilà, je pose les questions qui dérangent. Calvin Ball. Ah, Calvin Ball, voilà, ouais. Je sais pas ce que j'ai entendu. Il y avait Binous USA aussi en face de nous. Et deux Louisianais, enfin français habitant en Louisiane. Et il y avait un quatrième podcast, je sais plus. Dans ton rad? Et pas dans ton rad? Peut-être quoi. Si je crois, peut-être. Oui, ouais, peut-être dans ton rad. Ouais. Il me semble. Très, très bonne mémoire. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était. Parce qu'on en a vaguement parlé hier soir de dans ton rad en off et je crois que ça m'est resté. D'accord. C'était sympa d'avoir un message de puisque donc on est terminé dernier de notre catégorie. On était les moins connus. Les moins connus de notre catégorie. Donc les gagnants de notre catégorie, à savoir Calvin Ball, ont dû faire un petit message pour présenter notre podcast. Et c'était très sympa de leur part. On remercie Zali et toute la team de son podcast, du coup. Et peut-être qu'on essaiera de faire des trucs puisqu'il disait. Il disait que le podcast entre potes c'était bien, mais que le podcast entre podcasts ça pouvait être sympa aussi. Ouais. Donc pourquoi pas avoir. Bah après il est sur Paris je pense lui donc il me semble. Donc, c'est plus compliqué. Bon c'est pas comme si qu'il y avait un événement sur Paris bientôt. La ref. Ah non c'était pas la ref. Ah non alors celui-là par contre c'est on parle de Paris podcast. Ouais. Je pense que si c'est fait et abordé à peu près correctement et sans grande prétention de la part des organisateurs, et que les gens sont assez intelligents pour jouer le jeu de participer et d'aider chacun à sa mesure, ça peut devenir encore un autre événement qui viendra compléter le panel de ce qu'on trouve dans le monde du podcast aujourd'hui. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, hein. je le dirai toujours. Mais voilà. Alors, je ne l'ai pas lu, mais ils ont fait un communiqué de presse hier, je crois, qui est sorti. C'est disponible. Ils ont fait un tweet en disant voilà, premier communiqué. Donc, donc, il y a sûrement plein d'informations dessus. Mmh. Ils ont fermé les inscriptions pour leur concours de podcast. Ouais. Ils avaient 45, je crois. Je sais pas si vous voulez me passer. Ouais, apparemment, il y avait beaucoup de, beaucoup de propositions. Mathieu Gallet, président. Moi, je vais y aller, je crois, au Paris Podcast Festival. Oh, bah, tu peux y aller. Tu seras notre. Moi, je me tâte à y aller. Faut voir après niveau finance et comment c'est organisé. Logistiquement, ça tombe derrière. À mon avis, je pense que ça va être un peu snobinaire quand même. Ah, de suite les préjugés. Non, mais je pense pas que c'est pas. De suite les préjugés, un super envie d'y aller, quoi. Ah ouais, pas de préjugés. Ça tombe quand même. On sait bien que le podcast est parisien, mais tout de même. Je vais te. Bah, clairement. Oh là là là, le carquois se vide à une vitesse. Non, mais la Gaîté Lyrique, c'est un lieu un peu branchouille en plus. Ouais. Oui. Toi, c'est on fait des TED là-bas, donc si on fait des TED, c'est qu'on est branchouille. Ah ouais. Les TEDx. Ouais. TED Talk. Bien sûr, c'était pas le bon. Alors juste, je vois que j'ai, c'est pour ça que j'ai envie d'y aller. Un sous-boc d'il y a 2 ans et il y avait déjà marqué dessus « Bon dernier au Podcast Award 2016, l'apéro original ». Voilà. Comme quoi, vous êtes très constant. Oui, mais... Non, l'année dernière... Non, en 2017, on a terminé... Premier ex-aequo. Avec c'était le Pocket Show. C'était un accident de parcours. Là. Comment vous avez fait? C'était un accident. C'est parce que notre communauté a bien voté pour nous. Votre immense communauté. Voilà. Non, c'est parce que l'année dernière, on a voté. C'est ah, ouais, on pas bah, voté. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a ça. Donc, Paris Podcast, c'est les 19 et 21 octobre à Gaîté Lyrique. Voilà. Et c'est gratuit aussi. Petite précision. Comme je me demande si on ne pas s'inscrire quand même avant pour avoir le droit de rentrer, tu vois. Non, pas sûr. Je pense que c'est ouvert. Je sais que c'est découpé en. Le vendredi, il y a plutôt une partie, on va dire, pro, entre guillemets, où tu as plus une rencontre, avoir des infos. Si et c'est des pros, des techniques. Il commence à y avoir des pros. Ouais, et ensuite, c'est pour ça. Non, mais quand je dis pro, c'est une rencontre sur les thématiques où tu échanges entre podcasteurs et professionnels du son pour dire ouais, comment on peut améliorer la technique, comment. Des rencontres professionnelles, on va dire. Voilà, sans que ça soit. Et là, peut-être, il faut s'inscrire. Et là, peut-être, faut voir. Faut écouter l'interview de quoi qui s'est passé à Pod Nuit où on l'a eu en interview. Il est corpo, il est bien, ce petit. On a eu plein d'informations. Et alors, du coup, où est-ce qu'on l'écoute? Sur YouTube. Sur YouTube. C'est la première partie, donc c'est le premier épisode de Pod Nuit. Faut regarder Pod Nuit, Pod Chose, voilà tout ça. Bon, trop, c'est pire. Bon courage. Bon courage. C'est bon? On va passer au décapsulage. J'ai soif. Et mais si t'as soif, tiens, commence. Allez, sociétaire. T'as un petit jingle et tu commences. Oui, attends, oula. Oula, je t'ai pris du bruit. Ah oui. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah. Allez, folle. Oh, j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai froid. J'ai soif. Allez, non, vous fuyez, les gars. Alors, vous savez, c'est vrai que ça coupe toujours très brusquement. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les IPA, donc pour cette session, je me suis fait une petite thématique IPA. Ah. Voilà. Et donc, je commence, j'ouvre avec une Octopod IPA. Alors, c'est la brasserie Dogma. Donc, c'est 6,5 degrés, hein, donc c'est déjà sympathique. Même si je sais qu'il y en a qui vont... qui vont partir sur les chapeaux de roue. Voilà, que dire, donc c'est une Octopod IPA, bière non filtrée, non pasteurisée. Bien sûr, c'est déconseillé aux femmes enceintes, mais conseillé aux poubelles. Voilà. Bah oui. Je crois qu'on l'a jamais fait celle-là. La poubelle. Ça commence à être dur de renouveler nos blagues. Voilà, donc il faut. C'est le passage d'un sociétaire, ça. Que dire d'autre, moi je fonctionne beaucoup à l'image et c'est l'étiquette qui m'a accroché, donc voilà. Oh, je t'en ai fait quand même des gentils. Un dessin de houblon. Ouais, et j'espère que ça va. Tu m'as fait quand même des gentilles remarques de cette bière, c'est pas mal joli. C'est vrai. Marche comment ton truc? Il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Non, c'est ouais, comme ça. Le limonadier. Et moi, comme je suis un vrai bonhomme, je bois à la bouteille parce que j'arrive pas à verser sans faire de la mousse. Non, mais monsieur, mais vous êtes un oppresseur là, je vais faire un thread sur vous. Ah ouais, attention. Attention, parce que moi, j'aime pas les sweats. Ouvre un blog. Du coup, je vais faire un blog où je vais continuer avec l'invité, parce que je ne suis plus invité normalement, avec l'invité de cette session, avec Benjir. Je me saisis. Mon petit Ben. Alors, tu auras peut-être quand même des questions. Hein. Ouais, je sais. La cotisation. Ouais, mais c'est pas grave, je dirais oui. Maintenant, faut cotiser par contre. Faut payer les charges sociales et tout. Ah ouais. Monsieur. Ouais, mais tu vas toucher sur la pub de... Ah ouais, non, mais bien sûr. La quoi? La pub. Là? La pub. Le sponsor. Le truc que t'as fait avec le mec qui vend les bières. Dinecker. Lucas. La Montaillotte ou la Margot? Ah, mais c'est sûr que la porte de chez Margot, alors, financière. Alors... Moi, j'ai ramené une bière, une blonde, une bière artisanale. Une 8-6 encore? Non, je la rate. Une top budget. Donc, en fait, c'est de la bière qui est brassée à côté de chez moi, dans une usine à Cahors, en fait. Donc, c'est la bière qu'il y a souvent sur les festivals à côté, par chez nous. Elle est sympa. Elle est blonde, là, je savais ce que j'allais avoir. Du coup, d'avance, je pense que je peux vous dire qu'elle est bonne. Blonnée, elle est bonne, elle est pas compliquée à boire. Sympathique, quoi. Sympathique. Une bière sympatoche. Néanmoins interdite aux femmes enceintes. Et pleine de promesses. Et j'ai à côté un logo où t'as l'impression que c'est un mec qui c'est une incitation à la jeter. Ouais. À la répandre, en fait. À la répandre. Je sais pas ce que ça veut dire, regarde. Très bonne engrais. Ah oui, ah, quelqu'un. Tu vois, C'est une incitation à la répandre. Ah mais ouais. Mais non, en fait, non, ça veut dire que ça va dans les poubelles à recycler. Pour les endroits, t'as le recyclage sélectif, le tri sélectif. C'est le logo d'Avatar, en fait, c'est quand il fait les tout consoles. Là. Avatar. Parce que maintenant, c'est nouveau sur les emballages. Le dernier mètre de la bière. Soit on te le met dans la poubelle déchets communs, soit on te le met dans la poubelle recyclage. Voilà. Et puis après, on te dit qu'on se donne les moyens de trier, mais pas de recycler. Ça, c'est une bonne insulte. Espèce de déchets communs. Ouais. C'est pas mal. Il va falloir garder ça en tête. Ouais, donc en fait elle fait 5 degrés, tu vois. Et elle est à consommer de préférence avant novembre 2019. Tu es de la marge, donc ça va. Ouais. Tu la prends avec la marge. Donc je l'ouvre avec le limonadier. Allez-y. Attention à l'hypoule là. Fais gaffe à ta tablette en dessous. Ouais, la capsule est difficile à enlever, mais j'y suis néanmoins parvenu. Vous êtes Et du coup, je passe le limonadier du destin à Toucheux. Ah mais Toucheux a toujours son endroit. Tu peux lui passer. Tu peux me passer, je vais le mettre là. Comme tel un bâton de parole, tu t'en saisis pour prendre la parole. Voilà, je prends la parole, je saisis le bâton, je prends ma bouteille, mais je prends surtout mon décapsuleur. Ouais. Mon fameux décapsuleur NHL. Et moi, je vais attaquer ce jour une bouteille d'une brasserie que notre ami Loli connaît bien. Chute, pas de marque. Voilà, donc on donnera pas la marque. Vous avez le droit. Ah mais non. J'en ai pris une aussi moi. C'est une petite Brewdog qui s'intitule, parce que là franchement il y en a sur trois lignes. Heureusement qu'on est payé par Brewdog. Ah oui, c'est... Hello, my name is Marianne, voilà. Oui, et c'est une double IPA infusée au cassis. Oh. Ça a l'air d'être bon ça. Ben, en ce moment je suis Mon mec pas invité sur le chat, salut à toi David. Ah, le petit qui dort est salut mon petit qui dort. Voilà. Il va être trop chaud. Oh, c'est pas grave, ça ne changera pas d'habitude. Et qu'est-ce que c'est que cette petite double IPA infusée au cassis? Elle fait 8.2 quand même. Hein, ah oui, pour commencer un apéro original, on va se mettre bien. Mais j'ai une tendance en ce moment à prendre des bières un petit peu plus acides, un petit peu plus... Au cassis, ça doit être... Voilà, je me suis dit que ça allait me ramener un petit côté fruité qui ne devrait pas être trop mal. Là, en ce moment, je suis plus sur les Berliner Weiss et tout ça. Donc là, je garde ça. Voilà. Donc, on va se décapsuler ça tout de suite. Oh, ouais. Tu ne l'as fait pas à moi, David. Tu me l'as fait pas. Il a répondu, mais zut, j'étais pourtant bien déguisé. Ouais, non, toi, t'as pas utilisé le Naruto, Kevin Naruto 75. Ouais. Le 76 Et je vais passer le limonadier à Messire Gandalf. Messire Gandalf. Bonjour. Alors, moi, aujourd'hui, c'est la fin de la rigolade. On arrête le... On siffle la fin de la récré. Ah, c'est sûr qu'on se prend pas une caisse. Remonte ton falzar, il y a bagarre. Remonte ton falzar, il y a bagarre. T'as falzar, il y a bagarre. Parce que là, les amis, je pense que autour de la table, vous connaissez cette, les Guldendrak. Oui. Alors, je sais que nous, une fois... un barbecue un petit peu dégénéré, on va dire, à cause d'une certaine Guldendrak. Et c'était pas celle que je prends là en ce moment, parce que là c'est quand même la version 9000, un peu over 9000. Et c'est d'une quadruple. Et elle fait quand même, tout de même, je cite, elle fait 10°5. Oh là là, petit joueur, comme t'as un dard. T'as quoi pour la suite? Alors, si Google River en a pour la suite, après j'ai 9,5. Oh là là là là. Mais après j'ai 5 pour finir. Toi, t'as pas fini de nous casser les couilles, hein. Oh, ça non. Et alors, par contre, au niveau des petits logos, alors il faut la consommer à 8 degrés. Il y a une suggestion de dégustation. Alors, un message du chat, David dit Gandalf aura droit à sa châtaigne une autre fois. Sa châtaigne. Pour les connaisseurs, ils connaissent. Ouais. La châtaigne. Pour les connaisseurs, ils connaissent. Donc toi, visiblement, ouais, tu connais pas. Non. Bonne châtaigne. Je vois pas. Sigur River, il n'y a pas droit. Non, non, pas. Et il y a un mec qui marche vers une poubelle et il la jette. Mais il la jette un peu de loin, un peu. En plus, il enjambe vite, tu vois. On dirait qu'il court. Hop, il jette et il se barre. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est pour dire que ça va dans les déchets communs. Voilà, c'est ça. Mais alors, du coup, c'est pas le même logo que sur ma verre. C'est ça. Ah, non, l'autre, toi, c'est le logo pour le déchet du recyclage. Déchet trié, déchet vert, machin. Ça, c'est déchet vert, mais déchet. Bonne bouteille, ouais, alors il vaut mieux boire ça. Ça, c'est du tri sélectif, ça. Et donc, et par contre, c'est la brasserie Von Steinberg. Voilà, parce qu'il fallait le dire. Ouais. Et maintenant. Ah, je m'attendais à pire. Ouais. Merde. Donc, elle ne fume pas. Déjà. Et là, je donne donc le décap à mon ami Azerto. Alors, il me semble que moi, c'est une bière que Asto a déjà pris. Montre. Donc, c'est la Sainte Crew, donc ça, c'est la brasserie, et c'est la bière No Risk, No Fun. Non, je l'ai pas pris. Je pense pas que tu l'as pris. Non, t'as, en session, t'as peut-être eu la Rakiri. T'en as eu 2-3 déjà, non, je crois. Hein. Je sais plus si tu l'avais pris en session ou pas. Je sais plus. La forme de l'étiquette fait quand même très ancien ordre templier, mais bon. Vaguement. Les étiquettes des 5 coups sont toujours les mêmes. Il doit y avoir. Bah, si elle n'est pas derrière, elle doit être de l'autre côté. Vigoureusement, juste en de la moto. La sexe Alien Rock'n'Roll, la tempête du désert, la orange mécanique. Ah, c'est la tempête du désert ? Ouais. Donc là, c'est une brasserie de Colmar. À côté, je crois. Colmar, bah, 13 rue Denis Papin, Colmar. Ah, d'accord. Okay. Denis, j'aime faire Papin. Alors, sur l'étiquette, il n'y a que Sigourney Weaver qui est entourée. Donc, je pense qu'elle n'a pas le droit. C'est une smokette de porteur dans le type de bière. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Yes, ça la poudre. On s'ouvre ça tout le monde. Lorraine Bastide. Mais pour que Walter commence à dire qu'il arrête d'écouter un podcast parce qu'il en a marre de la pub. Ah ouais. C'est que ça doit commencer à lui monter au grillon le truc. Ouais. Et du coup, bah, je vais verser. Ah, nous, on n'a même pas servi. Oui. Bah non. Moi, j'ai servi histoire de laisser juste un faux col. Voilà. Et histoire que ça puisse s'oxyder un tout petit peu à réguler les saveurs. Merci David. Alors qu'est-ce qu'il est, c'est gentil mais j'ai. Je lui ai dit que j'avais acheté une Lindemans framboise au comic ouais. Débarque et il dit c'est gentil mais j'ai autre chose à foutre que de passer du temps avec des cons, toi exclu. Ouais mais tu dis ça parce que tu le connais pas, c'est tout. Parce qu'il m'aime pas. Vous ne m'aimez pas. Peut-être. Je te donne donc le décaps de la destinée. Oui, alors bah encore une brasserie qu'on connaît bien. Ah, bah ouais, maintenant ça devient difficile. Et c'est difficile de se renouveler, c'est vrai. Donc, bah, une petite bière de la débauche. Donc, brasserie d'Angoulême, toujours. Une bière. Alors, Effet Weizen. Alors, la Weizen, c'est la bière blanche, mais du coup, le H-E-F-E devant, je sais pas ce que ça veut dire. Effet Weizen. C'est pas une indication de provenance ? Je sais pas. Donc, c'est peut-être une bière blanche quand même. Bière blanche à la fraise et au poivre long. Au poivre long. Wow. Poivre long. Et à la fraise. Il y a des lettres en trop ou. C'est un poivron. Au poivre long. Le poivre long. Je connais pas le poivre long, disons. Le poivre long. Plus c'est bon. Et donc, une bière qui s'appelle la Manekineko. Voilà, un truc japonais. Voilà, pour ça qu'il fallait que j'apprenne. Ah, ouais. J'espère qu'on ne va pas chercher ce poivre à sa taille. C'est quand même dégueulasse. Oh le bofocal. On va laisser reposer un peu. C'est moche. Oh la mousse. Par contre, tu lui as pas dit qu'elle contient du jus. Ouais, il y a du lactose aussi. Oh putain. Ah. Merci, monsieur Tintin. Enfin, il y a marqué contient du gluten, mais dans les ingrédients, il y a marqué lactose. Donc, Ouh, c'est pas bon ça. On va mourir là, hein. Du lactose. On va calancher, hein. Bah voilà, tout le monde est servi, du coup, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en plus de ça, on a une petite course à tank blanche, au cas où. Merci, oui. c'est tout chou. Et bah, on va pouvoir tranquille. Oui, mais c'est pour fêter les retrouvailles, tous ensemble. Ah, ouais. Et passage au statut sociétaire de Monsieur Carampard. Ça y est, moi, il y a une espèce de faux col aussi. Cher journal, je suis enfin infiltré. Je vais pouvoir les détruire de l'intérieur. Tuer notre... Et venger, mais... Ah ouais. Tu es notre Jean Moulin. Oh. Attention, on va finir dans une cave. Ah. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Ah bah il est bon le pif là. La mienne elle est bonne hein. Ouais, oh, conne de Dieu. Ouais, très bon. Ah, je l'ai goûté. Bonne odeur d'ail. La mienne elle est bonne. Belle acoustique. Si quelqu'un veut goûter. Ouais. Moi c'est vraiment une. Ouais, tu sens qu'elle est un petit peu smoked. Ouais, ça me plaît pas, moi, cette couleur. Ah, bah, c'est une. C'est tout, hein. Alors, sur la Brewdog, le cassis vient vraiment en fin de bouche sur l'amertume. C'est bon, rien que le goût, là, je crois. C'est très léger, c'est très bon. On est à mi-chemin entre le fruit exotique et le cassis qui arrive, là. Et puis derrière, on a vraiment l'amertume, du houblon. Double IPA. La rats, ouais, elle est classique. Ouais, enfin, de toute façon, après la smoked. Ouais, bien. Merci. La tienne est bonne. On sent pas qu'elle fait 10,5, mais alors elle est. Ah, Golden Drac. Je rigole déjà d'avancer parce que la fois, on a bu la Golden Drac au bar. C'était notre deuxième bière, hein, donc normal. On n'en a pas pris d'autres. On n'en a pas pris d'autres et il y en a un, il s'est assis un moment par terre. Moi, m'a pas fait cet effet-là. Ah, bah la Golden Drac, en pression, putain, on s'y attendait pas. Ah, oui, en pression, c'est vrai. Oui. Oh, la pression, ça décuple un peu. Ah, oui, on s'y attendait pas, on s'est fait reprendre de voler. Hein. Mais écoute, c'est pas mal, tu vois, je suis agréablement. Pas mal, ouais. Ouais. Oui. Laquelle ? Hop, est-ce que tu es prêt sur tes jingles Est-ce que tu me feras goûter le nom des bières pour le chat. Oh, il est bien sur le petit oui. Voilà. Hop, et je suis la Maniki qui est ready. C'est pour qui? C'est pour Monsieur Tocheux, pour son j'aime bien. Dossier. Oh putain, le jingle. Allez, un petit sujet au débeauté comme ça, parce que j'ai découvert très très tard que finalement j'avais quelque chose à faire. Mais t'es sociétaire. Non, mais c'est surtout quand j'ai fait le calcul qu'on était 4 et qu'il n'y avait que 3 dossiers, je me suis dit, il y en a un quand même qui a enfumé tout le monde. Donc voilà. Il avait pas dû acheter des BD récemment. Voilà. Ouais, pourtant, si, mais à force de faire des BD. T'as pas un sac avec des mangas qui traînent et puis tu vas nous les sortir? Non. Et donc je suis allé au plus simple, hein, et qui dit plus simple chez moi, ça dit minimalisme. Voilà. Mais avant tout, pour commencer sur le minimalisme, déjà, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Ou est-ce que vous auriez une définition à donner du minimalisme? Faire les choses simplement, comme dirait Pépé. Moi, je sais ce que c'est, le minimalisme. Je dors dans ma voiture. Ça, c'est vraiment... Il y a toute de une série de vidéos sur YouTube et tout, de gens qui dorment dans leur bagnole. Il y a un hashtag Hôtel Prius aux États-Unis où c'est que des mecs qui habitent dans des Prius parce que, en fait, tu peux utiliser le chauffage même quand le moteur ne tourne pas. Mm-hmm. Du coup, en fait, c'est des gens qui habitent dans leur bagnole, qui l'aménagent, ils ont mis des petits rideaux et des trucs comme ça. C'est un rapport avec ça, le minimalisme. Dans le minimalisme, on est clairement dans l'action par choix. Voilà. Ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il y ait une profusion d'actions, on va juste se concentrer sur notre besoin, l'essentiel, exactement. Tout ce qui serait superflu, à la limite, doit faire l'objet d'un questionnement. Henri Michel. Peut faire l'objet d'un questionnement. Voilà. Il est clair que de toute façon, le minimalisme, c'est pas une doctrine, c'est plus un style de vie. Et comme il y a différents types de minimalisme, il y aura différentes définitions. Le black metal. Tout le monde ne sera jamais vraiment au même niveau de minimalisme, si on veut. D'accord. Alors à première vue, voilà, on pourrait penser que c'est juste vouloir se débarrasser de tout le bien matériel. J'ai une question con, est-ce que pour être bien dans le terme minimatisme ou pas? Alors minimatisme, c'est vraiment du minimalisme, c'est très très raccourci, effectivement. Oh, merde. C'est très très raccourci, mais je pense que David doit être au sujet, aussi au niveau sur ce sujet, puisque niveau minimalisme, il doit quand même faire minimalisme. Voilà, quand on pense à minimalisme, généralement, on pense à vraiment réduire à la portion congrue tout ce qu'on a dans notre environnement. Ça, effectivement, ouais, c'est une partie... Une certaine forme d'esthétisme aussi. C'est vraiment la partie cachée, la partie visible de l'iceberg, parce que le minimalisme, après, on peut le retrouver dans tout, et on peut même combiner les différents minimalismes. Il y a le minimalisme vraiment matériel, où... on se retrouve avec juste un... Par exemple, si on prend une salle à manger ou un salon, on va se retrouver éventuellement avec une table, deux chaises, si on est deux, une chaise si on est tout seul. Enfin, c'est vraiment le matériel au service de notre besoin dans notre quotidien. Mmh. C'est ne pas se surcharger, ne pas s'encombrer d'objets. Voilà. Après, vous allez me dire, bah, y a toujours un truc dont tu as besoin que tu vas garder, le fameux au cas où, si j'en ai besoin. Voilà. C'est ça. Bah ça, c'est pas dur, il y a des règles pour s'en prémunir éventuellement quand on n'a pas envie de s'engorger avec tous les objets. Toi, c'est quelque chose que tu pratiques? C'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai essayé d'assimiler et de comprendre, de voir quel intérêt je pouvais avoir à essayer de fonctionner avec certains mécanismes de minimalisme et qui aujourd'hui m'a permis de simplifier énormément la manière de penser les choses et la manière d'utiliser les choses et même d'investir dans les choses. Ok, ok. Donc tu veux te dire. Hein ? Ouais, ouais. Voilà, après il y a donc le désencombrement, moi je dirais physique, mais comme je viens de te le dire, il y a aussi le désencombrement moral. Il faut savoir que plus tu as de sollicitations visuelles, plus tu fais tourner ton esprit et plus des fois tu te poses des questions qui ne sont pas vraiment super fondamentales. Et tout ça, mine de rien, ça t'encombre. L'idée aussi du minimalisme, c'est d'aller à l'essentiel. Mmh. Voilà, l'essentiel dans ta vie de tous les jours, dans tes réflexions. De te projeter dans l'avenir, de regarder ce que tu as fait avant et ce que tu veux plus faire. Y a tout, c'est vraiment une réflexion personnelle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Une personne qui se classe minimaliste essaiera généralement de s'orienter vers une idée. Attention, il y a un paradoxe de se faire de la place, mais pour avoir plus. Mmh. D'accord ? Mais on n'est pas forcément dans le plus en volume. Oui. Plus de temps pour soi, plus de temps à partager avec les autres. Plus de passion dans ses actes, plus de créativité, plus d'expérience à tenter ou même essayer d'accomplir des choses qui ont été mises de côté trop longtemps. On a plus de contributions volontaires, c'est là où on rentre dans les actes réfléchis, en ciblant réellement ses envies d'agir sur tel ou tel pan de la société. Il y a sûrement plus de contentement à retirer de toutes les choses qu'on fait vraiment intentionnellement. Oui. Voilà. L'idée, c'est d'aller vers une notion de plus de liberté en étant moins attaché aux choses. On essaye de se dégager des conventions ou des marqueurs classiques de la société actuelle, hein, et pour reprendre une part de contrôle sur notre vie. Le but du minimalisme, moi, tel que je le conçois, c'est vraiment de se détacher d'un maximum de contraintes pour ne plus avoir à subir, sauf ce à quoi on ne peut pas échapper. Aujourd'hui, on est une société qui est basée avec des très bonnes valeurs sur l'argent. Argent. Donc pour échapper au levier de l'argent, c'est pas infaisable. Moi, j'aime l'argent. Mais il faut savoir quelle énergie surtout dans le podcast. Il faut savoir quelle énergie on veut mettre en place pour arriver à se défaire de ça et quelles contraintes ça va nous amener. Clairement, moi aujourd'hui, je ne peux pas arrêter de travailler parce que ça me poserait trop de contraintes. Voilà. Et je pense que c'est le cas d'énormément de monde. Ceci dit, il y en a qui arrivent à se passer d'un travail et qui changent radicalement de mode de vie. Voilà. C'est une forme de minimalisme. Le minimalisme, on va le retrouver dans plein de formes. Donc, grosso modo, on est vraiment autour du thème de la simplification. Hein. C'est un peu comme en mathématiques, quand on vous demande de simplifier une fraction. Vous cherchez un multiple commun, numérateur, dénominateur, ensuite vous simplifiez en éliminant les éléments juste en commun. Mais vous gardez ce qui est essentiel, qui est différent. Ici, c'est un peu pareil. Vous simplifiez la quantité d'interaction avec les objets et vous verrez que ça marche même avec les gens. C'est bizarre, mais vous allez voir qu'avec les gens, ça marche aussi. Vous agissez sur leur nombre, sur leurs interactions, sur leur organisation et sur la disponibilité, que vous avez vis-à-vis d'eux ou eux ont vis-à-vis de vous. Et le but, c'est d'essayer de se créer son propre mode de vie sur mesure. Alors attention, on ne va pas non plus basculer dans l'égoïsme caractérisé. Hein. C'est pas parce qu'on parle de mode de vie sur mesure qu'on rejette complètement le reste. Il ne faut pas se mettre en marge de la société non plus, sinon on tend vers une autre philosophie de vie et là, ça devient de... comme si on voulait devenir un ermite et là on se coupe vraiment du reste et pour le coup on perd vraiment beaucoup on perd vraiment beaucoup de choses je pense. Du coup je sais pas si tu m'en parlais mais justement toi t'es rentré dans le minimalisme enfin ou le minimalisme est rentré dans toi. On dit ça comme ça et tu t'es détaché de tout ce qui était livre voilà, tout ce que t'avais pas besoin tout de suite. J'ai mené une rêve. En fait ce que j'ai fait moi pour prendre mon cas personnel c'est que j'étais dans une période où je me sentais oppressé, comprimé, je me sentais vraiment pas à l'aise dans peut-être dans ma peau, mais aussi dans l'environnement que j'avais. Et je me suis posé la question de me dire si... Et puis j'adore énormément le changement aussi, mais le changement physique, c'est-à-dire que moi, des meubles, je suis capable de les déplacer deux fois par an. C'est rare, parce que je suis certain. Oui, oui. Enfin voilà, moi j'aime que les environnements changent, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan matériel. Et je me suis posé la question, déjà le déclic, je l'ai eu en regardant un documentaire, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter personnellement? Et j'ai commencé à regarder la méthode qui avait été appliquée par Joshua Phil Milburns et Ryan Nicodemus, et je me suis dit, est-ce que je peux la transposer? Est-ce que je peux y gagner quelque chose? La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pas énormément de possessions, déjà, à la base. Et est-ce que tu penses que tu as un caractère qui te permet ça? Est-ce que si tu avais été bordélique, tu aurais pu devenir minimaliste facilement? Ou est-ce qu'il y a des caractères pour lesquels ça demande plus de boulot que d'autres, peut-être? Je sais pas. Honnêtement, ça, je sais pas répondre parce que j'ai pas encore fait le tour du minimalisme chez moi. Et tout ce que je peux essayer de faire, c'est de le partager avec les autres. Mais on forcera pas quelqu'un à devenir minimaliste s'il en voit pas l'utilité, s'il voit pas le gain dans sa vie. Moi, ce que je voyais, c'était l'intérêt de plus avoir à me poser de questions sur une bibliothèque de livres, où les livres, je les ai lus une fois, je vais plus les lire forcément, ou j'ai lu dans les 160 ou 170 bouquins que j'avais. Il y en a peut-être 3 ou 4 que j'ai relus plusieurs fois. Voilà, ceux-là, je les ai gardés. J'étais sûr qu'un jour je retomberais dessus, donc je les ai gardés. Donc, je suis passé de deux armoires type Ikea, hein, qui font 1m80 par, je sais pas, ça fait quoi, ça fait 60-80 de large, à une caisse de Clopipo vide, où j'ai rangé mes deux bouquins, trois bouquins. J'ai posé les DVD d'Ulysse 31 que j'ai toujours pas regardé, et j'ai mon radio réveil dessus. Et le reste, c'est un des aspects du minimalisme. Ça m'a permis, d'une part, de faire partager à d'autres personnes les bouquins que j'avais. Ouais, j'en ai récupéré un. Voilà. Donc il y a une notion de partage. Il y a une notion après de recyclage, c'est-à-dire qu'on les remet dans un circuit. Oui, le circuit du livre d'occasion. Enfin, et puis le troisième avantage, ben, c'est que mine de rien, c'est de l'argent que tu avais en train de dormir. Au final, ben, tu es compensé en le remettant dans le circuit, en en retirant une somme d'argent. Moi, sur mes 150 bouquins, j'ai pas sorti énormément, j'ai dû faire 100 euros. Ouais, mais tu vas me dire, il y avait des bouquins, il y avait mon édition limitée de Tolkien qui est partie. Il est parti pour 10 euros. Parce que je suis tombé sur une maman et son gamin. Il voulait lire Le Seigneur des Anneaux. Il avait l'édition complète avec la généalogie des nains, des elfes et tout. Voilà, il est reparti. Tu les avais mis sur le bon coin, tes bouquins ou, y a des, ou... J'avais, les gens fait, sont venus chez j'avais toi. Créé des listes de diffusion et les gens répondaient au fur et à mesure. Hein. Ah, c'est cool. Voilà, voilà. Donc les mesures phares du minimalisme, voilà, on est sur le désencombrement. Hein. Clairement, les gens, c'est la première chose qu'ils voient. Quand on pense minimalisme, on pense réduction et tout de suite, on pense au physique. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi la rationalisation du budget. C'est ce que je disais, on est dans une société basée sur l'argent. J'ai une Switch. Voilà, t'as qu'à la perdre. M'avez l'argent. Et on est dans une société basée sur l'argent. Donc on va aussi rationaliser son budget, mine de rien, parce qu'en allant directement dans nos besoins, on va commencer à se poser la question de comment on fait sortir notre argent et pourquoi on le fait. On a vraiment une question d'intentionnalité. Ah, McDo là. Ce que je disais, on va réévaluer les interactions. T'as pas dit un bon McDo, parce que ça existe pas ça. On va réévaluer les interactions avec notre entourage, c'est-à-dire que mon cercle social a changé. Pas fondamentalement, mais je l'ai adapté à ce que je voulais vivre et à ce que je voulais plus vivre vis-à-vis des gens et avec eux ou contre eux. T'es la merde. Et aussi, généralement, à la fin, on aboutit sur une reconsidération de nos priorités de vie. Une fois qu'on a fait la somme de tout ça, généralement, c'est de se dire, bon, maintenant j'en suis là et qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi on fait ça? Donc on le fait pour aérer notre espace de vie. Hein, quand on revient dans le matérialisme, c'est vraiment pour aérer l'espace de vie. C'est pour aussi s'aider à respirer financièrement. Et là, j'insiste, moi je pourrais vous montrer, si l'argent n'était pas un tabou en France, je pourrais vous montrer par l'exemple que depuis un an, je vis mieux en rationalisant complètement mon budget. Ça permet d'assainir ses relations avec ses congénères. Complètement. Les gens qui sont phagocytes, qui vous phagocytent la vie, là, il suffit juste de dire non, je ne peux plus communiquer avec toi. Et il suffit de leur expliquer. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Après, il y a la bonne et la mauvaise méthode. Ouais. Mais ça permet, nous, intérieurement, de gagner en capacité à être zen et de réagir différemment dans d'autres événements de la vie. Et puis, ça nous permet aussi de vivre des expériences nouvelles parce que la conséquence de tous les trois points qu'on a eu avant, c'est que quand tu as rationalisé ton budget, que tu sais avec qui tu veux partager certains moments et que tu as largement la place de faire rentrer tout ça, mais tu peux profiter, tu peux faire plein d'autres expériences, rencontrer d'autres gens, justement, parce que tu as assaini ton cercle. Tu peux éventuellement financer des petits voyages, des petits trucs, des sorties que tu ne pouvais pas faire avant parce que tu étais pris à la gorge. Voilà, il y a plein... Mais c'est pas une formule magique, le minimalisme n'invente rien, c'est juste qu'on a conceptualisé de la rationalisation. Et alors, il y a quoi? Il y a des forums de... de rationaliste. Il y a des bouquins qui ont été publiés. Alors, c'est une, en termes de c'est forme, pas une doctrine, ça, mais c'est quand même un truc qui t'amène à changer de vie. Donc, Ouais, mais il y a un courant de pensée qui est représenté par plusieurs personnes. Aux États-Unis, moi, je suis tombé dessus avec un duo de gars qui s'appellent Joshua Phil Milburn et Ryan Nicodemus. Et ils expliquent ça très bien dans leur documentaire que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui s'appelle The Minimalist, où ils ont eu des déclics dans leur vie qui ont fait qu'à un moment, ils ont été obligés de se poser des questions sur la manière dont ils vivaient, est-ce qu'ils voulaient vivre, est-ce qu'ils loupaient en vivant de cette manière-là. Voilà, pour te faire un portrait rapide, c'est des gars qui avaient des salaires à 6 chiffres. Ils avaient des maisons, mais c'était des palaces. Ils avaient plus de chambres, que plus de toilettes et de salles de bain que de chambres. Ils changeaient de voiture tous les 6 mois. Enfin voilà, bon, par contre, à côté de ça, ils bossaient 70 heures par jour, par semaine, et ils voyaient personne. Si, ils voyaient des gens de leur société, de leur niveau culturel, mais ils n'avaient aucun échange. Et il y a eu des déclics comme ça, la maman de l'un a eu un cancer, dans le même mois il a eu la mauvaise nouvelle de santé de sa mère et puis je crois qu'il a divorcé. Et il s'était perdu. Enfin, il y a toujours un mécanisme qui déclenche une prise de conscience. Le minimalisme, c'est juste se recentrer. On colle l'étiquette là-dessus parce que c'est un phénomène qui est arrivé, entre autres, par ces gens-là. Mais, ouais, c'est une forme de sagesse. Voilà, les Japonais sont très forts. Ils ont, ouais. C'est le livre de Marie Kondo, c'est un peu le même. J'ai pas eu le plaisir de le lire. L'art du rangement. Mais ce qu'il y a, c'est que chez les Japonais, c'est encore plus poussé. Alors là, on file vraiment sur de l'esthète. Ouais, les vieux aussi, ils sont souvent. Oui. Ils sont plus dans l'optimisation que dans le minimalisme, peut-être. Oui, voilà. Mais de toute façon, moi, ma définition du minimalisme, celle que je vous donne aujourd'hui et qui n'est absolument pas prêchable partout parce qu'on réagit tous différemment en termes de matérialisme et de comportements sociétaux, y a plein, les Japonais sont vraiment extrêmes. Quoi. C'est surtout ça qui m'a... C'est pas que ça m'a choqué, ça m'a surpris. Voilà, ça m'a même amusé. Donc la conséquence de tout ça, ben, voilà, je vous dis, on partage ses possessions, on libère de l'espace. On peut même garder les mêmes volumes. Hein. On peut se débarrasser de tout ce qui est superflu, à nos yeux, garder les mêmes volumes et les réorganiser. Pépé et Azertov vous le diront, nous, le minimalisme, il est passé dans la maison. Enfin, voilà, le minimalisme est tellement vite passé qu'il a emmené les cloisons. Voilà, donc pour vous dire, on a gardé le même volume, mais on va le réarranger différemment. Et on a nettement moins de mobilier, et on a beaucoup moins de choses sous les yeux, et on se pose beaucoup moins de questions. Avant, c'était, qu'est-ce que je vais faire de cette table? Est-ce que je la bouge? Est-ce que je la bouge pas? Moi, la question que je me suis posée, c'est cette table, est-ce qu'on en a besoin ou pas? On a déjà une table dans la cuisine, on a déjà une table dans la salle à manger. Enfin, je dis, il y en a peut-être une de trop, quoi. Bon, voilà. Donc, il y a une des deux tables. Moi, je trouve. Oui, là où il y a débat à la maison en ce moment, c'est est-ce que c'est justifié de mettre 600 euros dans une table? Voilà. Moi, j'ai dit, je suis désolé, hein, 4 bouts de bois et une planche, 600 euros, faut pas déconner. Hein. Oui, mais elle est jolie. Bon, bah, très tôt, une porte, et puis voilà. Si c'est possible. Moi, j'ai assis par terre sur un tatami, mais il y en a ou sur un tapis comme ils font en Afrique et tout. Quoi. Mais il y en a. Pour aller encore plus loin dans le minimalisme, il y en a, ils ont réfléchi au temps que tu passes dans une maison et au temps que tu passes dans chaque pièce de la maison. Ouais. Ils ont fait un prorata et ils ont réduit tous les volumes en fonction du temps qu'ils passent dans les pièces. Coluche disait. Bah, du coup, ils ont des chiottes énormes. Non, c'est la chambre. Enfin, c'est des maisons qui font entre 10 et 12 mètres carrés. Le frigo énorme. Qui sont montés sur des essieux et qu'on appelle des tiny house et que tu peux balader. Ouais, tiny house, c'est ça. Ça te coûte 30 000 euros, t'as ton truc, et après il y a sûrement d'autres contraintes à avoir ce type de maison, quand même, je pense. Mais tu peux très bien vivre en couple, j'adore. Un accident avec ta Ça, c'est un des effets de bord du minimalisme, c'est les gens qui ont tellement réduit leurs besoins qu'ils ont même... Ouais. Je sais pas si c'est à l'extrême. Par l'extrême. Dans l'idée de vrai, minimalisme. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des mecs qui dormaient dans leur bagnole. Parce que c'est aussi un moyen, il y a vachement de nomades qui pratiquent ça, quoi. Mais bien sûr, mais après être nomade, c'est un mode de vie. Ouais. Il n'y a pas de raison de stigmatiser plus les nomades que les minimalistes. Non. Moi, les gens qui dorment, qui font par choix, attention. Là, faut bien admettre quand même que le minimalisme, c'est une démarche volontaire. Voilà, il y a le minimalisme forcé, où t'as des mecs qui s'engraissent au-dessus, et toi, le ruissellement, toi, t'as que l'huile qui ruisselle, t'as pas le reste. Tu sais, c'est pas quand tu vas faire des photos tour dans les comment ça s'appelle, dans les bidonvilles africaines, c'est pas ça. Voilà. Donc, foutage de gueule, ça suffit. Voilà, donc on a les surfaces, on a les possessions. Il y a des gens qui commencent par leur garde-robe. On a vu plein. Enfin, j'ai pas. Alors, je m'excuse parce que la chronique, j'ai pas pu la boucler complètement. Donc, je vais avoir des exemples qui vont me venir en tête régulièrement et qui seront pas peut-être pas coordonnés exactement avec le plan du texte. Par exemple, Mark Zuckerberg qui racontait porter tous les jours le même type de t-shirt, comme ça le matin, il a pas à se poser la question de ce qu'il va porter dans la journée. Ah, donc, il a acheté des cartes. Ou Steve Jobs aussi. Hein. Il avait acheté. T'as 7 fois le même t-shirt. Il voulait ce t-shirt là. Ah ouais, mais en. Ouais. Camion, par 500 t-shirts ou sinon. Ah, pour la saloperie qu'il faut à l'intérieur, par contre, il se pose moins de questions. Oui, mais sauf que l'aspect minimaliste de la chose, je le rejoins en disant moi, je m'emmerde plus à réfléchir à ce que je vais mettre le matin. Ouais, moi, parce que les trucs arrivent. Oui, non, mais. T'es minimaliste d'accord. Des chaussettes. Oui. Non, mais tu gagnes du temps. Il y en a un, il s'est encore moins emmerdé. Il a acheté 7 paires de chaussettes. Par contre, c'est les 7 mêmes. Donc le gars, il fout ça à laver. Il s'emmerde même pas à les mettre en boule. Il prend les 14, il les met dans son panier, et le matin, il en sort deux. Oui. Et il est sûr d'avoir deux chaussettes de la même couleur, identiques. Ça, c'est pas cool. Par contre, ça, là où je mets un bémol, c'est que t'achètes pas 500 t-shirts. Tu achètes ton besoin. Ouais, non, mais il gagne en efficacité le matin parce qu'il perd pas du temps. Il voulait se faire lui-même. C'est un t-shirt qu'il voulait se faire lui-même, et on lui a dit on peut pas faire à l'unité, il faut en acheter tant. Bah, il a fait je prends un camion entier. Okay. Voilà. Un peu comme Steve Jobs avec son turtleneck. Oui. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un cancer. Oui. De là avoir un effet de cause à effet. Et d'être un trou du cul avec les Chinois. Mais ça, c'est une question, voilà. Voilà, mais l'idée, c'est quand même de se concentrer sur l'essentiel et pas perdre du temps, même si c'est que 5 minutes, que 2 minutes, que 3 minutes. C'est juste de ne pas se prendre la tête avec des détails qu'on peut considérer comme des détails et de se rendre juste plus disponible pour autre chose. Ah ouais, c'est ça. Moi, au niveau des vêtements, c'est pareil, c'est minimalisme. Je prends le premier t-shirt qui arrive, le premier caleçon qui arrive, et voilà, les paires de chaussettes, c'est pareil. Enfin, fais quand même un petit peu attention d'avoir des chaussettes même longueur, donc je ne mets pas une socket et une chaussette. D'accord. Mais sinon, je prends les deux premiers qui viennent et hop, je les enfile et voilà. Moi, je me change pas comme du ça. Du coup, quand tu perds, tu te rends bien compte. Quoi. Bon, chier. Moi, je prends ma douche avec mes freins comme ça. Ouais. donc, pour cet exemple de garde-robe, par exemple, il y a des gens qui se lancent le défi. Alors, je crois que c'est le défi des 33 objets. Ouais. Donc, des 33 objets dans la garde-robe et qui essayent de faire en faisant tourner tout ça, de rester le plus longtemps possible. Et il y a une femme, une américaine, qui s'est rendue célèbre comme ça, qui s'est rendue célèbre, qui a été reconnue dans le monde. Ouais, elle a fait des vidéos et tout. Je crois qu'elle a fait des vidéos, mais je crois qu'elle en a fait une au début et une à la fin. Maintenant, tout le monde écrit sur le minimalisme, donc je peux pas te dire oui ou non. Je me suis. Attention, moi, j'ai pas poussé la culture minimalisme à prendre les références de tout le monde. C'est ça. J'ai regardé comment ça se pratique. Mais grosso modo, il y en a. Et je me suis juste inspiré de deux ou trois personnes. Oui, ça suffit. Mais après, j'en suis d'autres qui viennent pas marteler leurs préceptes, mais qui viennent juste porter la discussion et porter de l'échange. Ils figent rien dans le marbre et ils amènent toujours une discussion avec des pistes qui peuvent même varier de temps à autre. Donc il y a cette personne, pendant un an, elle a vécu avec 33 vêtements. Et les gens au boulot n'ont rien soupçonné. J'en parle comme si c'était une honte. Ne se sont rendus compte de rien. Moi j'avais un prof, il avait les habits d'hiver et les habits d'été. Point. Moi j'ai pas des tonnes de fonds, j'ai un jean et des pantalons de chantier. Quoi. Et j'ai qu'un seul. Un exemple qui me vient en tête, qui est pas dans le minimalisme, mais c'était une affaire plutôt de sexisme. C'était la présentatrice d'un météo journal américain qui tous les jours avait obligé entre guillemets se changer, alors que son co-présentateur avait exactement le même costume tous les jours, et ils n'ont pas sauté. Quand elle, à un moment justement, il y a eu la mine de fois, même truc, ça. Ah ouais, ça paraît bizarre. Alors que lui, il disait non, regardez, moi j'ai le même costume exactement, il en avait fait exprès pour faire soulever ce point. D'accord. Mais voilà, c'est des aspects, donc ça va aller, je vous dis, cette dame pendant un an là qui travaille, personne n'y voit rien. Et il y en a, ils vont carrément à 33 objets, mais dans leur entourage. Ouais. C'est-à-dire que là, quand même, 33 objets dans ton entourage. Ah, Gandalf, il pourrait pas. Bah, genre déjà deux choses. Je sais pas, mais déjà, rends-toi compte. Tu parles d'un lit. Tu parles éventuellement d'un frigo, hein, ouais. Histoire que tes aliments. Ouais, mais pas besoin d'un lit. Est-ce qu'on compte le lit, est-ce que par exemple un oreiller ça compte mais non, mais voilà, tu vois où je veux en venir, c'est que le minimalisme, c'est chacun le voit de sa fenêtre. Ouais. Moi je te dis un lit, si ça se trouve, je vais réfléchir. Ouais, je peux pas vivre sans une bonne douche. Au moment où je vais faire ma liste, je vais dire non, je vais garder juste le futon. Je vais garder juste le futon. Voilà, c'est le futon. Point barre, on n'en parle plus. Comme ça, ça fait lit et table. Ouais. Mais si tu savais. Le mange par terre. Ah oui. Voilà. Et 33 objets dans une maison, je peux te dire, ça fait pas grand chose. Ouais. D'où le concept qui est venu ensuite de réduire la surface, parce qu'une fois que t'as moins d'objets, t'as de la place que tu n'utilises pas. Mais ça sert à rien de payer. Tu vois, enfin, il y a toujours un cercle. Ça sert à rien de payer pour de l'espace que tu n'utilises pas. Et vu la croissance démographique et la disparition des ressources. À un moment donné, il faudra tous qu'on ait moins de place chacun et À un moment donné, il faudra empêcher les cons de se reproduire surtout. Déjà, il va falloir commencer par là. Mais tout le monde, hein, même les autres. Hein. Ouais, non, parce que regarde ce que ça a fait la politique de l'enfant unique en Chine. Je suis pas sûr que ce soit franchement très. Tu veux dire que tu parles d'un pays où on enlève les jeunes filles et on les revend plus tard. D'accord. Moi, je pense que là où il faudra se poser la question, c'est sur la manière dont on consomme. Que ce soit pour se nourrir et pour vivre, ou que ce soit pour notre confort. Je suis lancé, ça y est. Dominique Bourg, philosophe, dit que pour lui, j'en reparlerai, pour l'écologie, en fait, il faut vraiment changer intégralement de paradigme. C'est-à-dire que nous, la spiritualité du 20e et 21e siècle, c'est consommation. Ouais, bien sûr. La seule spiritualité qui... Moi, je suis pas anti-viande ou quoi que ce soit. Au contraire, hein, vous êtes les premiers à savoir que le barbecue, moi, chez moi, quand il peut tourner, il tourne. Mais quand on prend conscience, effectivement, de ce qu'il faut comme ressource pour produire un kilo de viande, bon, on peut quand même être en droit de se poser la question de savoir si c'est vraiment l'avenir qu'on veut pour... Mais après, il faut pas aller chercher plus. Mais moi, il est derrière. Moi, je vois. Tu prends le smartphone, là, comme ça. Tu vas au magasin, tu le touches, tu dis je le prends, 80% de la pollution elle est déjà. Ouais. Voilà. 80% de la pollution globale. Pas l'air traité derrière. Voilà. 80% de la pollution globale de ton smartphone, au final, c'est avant l'achat. C'est-à-dire que t'as rien fait. Ouais. Tu mets les doigts dessus, t'as déjà fait. Tu prends son bilan carbone et. Ouais, déjà, voilà. Tu prends tout le bilan carbone. Simple existence. Voilà, simple existence déjà qu'il y a. Voilà, enfin bref, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, généralement on retourne toujours sur le nerf de la guerre. Hein. Je vais vous seriner. L'argent avec ça, mais oui. L'argent. Mais sans déconner, le pognon. Mais comment tu veux qu'on se paie des putes? Non, mais vous allez voir que ça vient naturellement par. Sinon, il y a que des. Vous allez voir que ça vient naturellement par effet de levier, parce qu'une fois qu'on a moins de choses autour de soi. Il y a moins de choses qui peuvent tomber en panne. Il y a plus d'argent. Non, mais ça, on rigole, mais déjà, voilà. C'est des coûts indirects, mais effectivement, si t'as pas de bagnole, déjà, t'as pas de frais d'entretien sur ta voiture. Voilà. Bon, par contre, si t'as un vélo électrique, tu vas payer les frais d'entretien de ton vélo électrique. Mais enfin, on va être dans une fourchette de 1 à 10. Le 1 à 10, la différence, si tu changes rien à ton rythme de vie, juste en agissant sur ces leviers-là, ça va être du gain net pour toi. D'accord, complètement. Donc voilà, il y a forcément sur le plan du minimalisme le niveau de vie qu'on a du fait de nos rentrées et nos sorties d'argent. Pour la majorité d'entre nous, décider de gagner, c'est beaucoup gagner plus, hein, c'est quand même plus compliqué. En revanche, dépenser moins, c'est quand même un petit peu plus facile. Je peux pas imposer à mon employeur de m'augmenter, alors que je peux vraisemblablement décider si tel ou tel objet. Tel ou tel poste t'as des marges de manœuvre, mérite autant d'investissement par rapport à mes ressources et à mes besoins. Il faut garder toujours en tête l'histoire de besoin. Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai un cas en tête où justement, tu peux pas réduire plus que ça tes dépenses parce que c'est déjà pour X raisons. Mais du coup, si tu veux vraiment réduire en plus, des fois, c'est compliqué. Là, on parle pas des frais fixes. Oui, oui. Voilà. Tes frais fixes, ils sont, par définition, sont fixes. Tu es obligé d'en tenir compte. Seulement, ils te grignotent une partie de ton budget. Mmh. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est de se dire où sont mes leviers. Voilà. Moi, je vais vous donner un autre exemple. L'autre jour, j'ai le monsieur de chez Peugeot qui m'a appelé, qui m'a dit « Alors, vous avez toujours la petite 206 ?» Je fais « Oui, je suis dedans, elle a 133 000. » Il me dit « Alors, ça va bien ?» J'y fais « Dès qu'elle a une merde, je la jette. » La voiture, elle a 7 ans. Et pour... Enfin, je la jette, je veux dire, je m'en débarrasse. Oui. Ouais. Je ne ferai pas un cadeau empoisonné à quelqu'un si vraiment il y a coûte plus cher à réparer voiture, que... Ouais. Que ce que ça va rapporter à la personne. Mais voilà. Le poste de dépense, enfin une voiture, aujourd'hui, on est quand même sur presque 7000 euros par an. Ouais. De frais. Entre les assurances, l'essence, les travaux d'entretien, 7000 euros. Prends un vélo électrique, prends un 2 roues, prends un 125. Mmh. L'achat va te coûter, mais en termes de coût de revient, tu vas gagner la différence. Oui, derrière, tu as moins de dépenses à faire, justement. À mais ça va amener des contraintes. Par exemple, quand je vais vouloir venir à Castres, maintenant, je ne viendrai pas en 125. Mais l'idée, c'est ah bon non. L'idée, c'est qu'on est parti du principe qu'on a quand même deux voitures à la maison. Voilà. Et attendez, accrochez-vous, on a quand même deux voitures alors qu'on a quand même une personne qui est en incapacité de travail. Voilà. Donc on a un véhicule qui potentiellement ne sert à rien. Qui bouge pas, quoi. Ouais. Voilà. Le minimalisme, c'est juste rationaliser. C'est de temps en temps arrêter de courir, se poser et de se dire est-ce que c'est bien justifié tout ce qu'on fait. Voilà. Mais c'est aussi uniquement parce qu'on a des, on a des soucis et je suis pas meilleur que tout le monde. On peut avoir des soucis financiers comme tout le monde et à un moment être obligé de se poser la question. C'est ce fameux déclencheur dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Moi, le minimalisme, c'est pas l'aspect financier qui me l'a amené. Par contre, j'en ai découvert une bonne vertu. Ouais. Moi, c'est surtout l'aspect mental des choses. Où j'étais engorgé et j'arrivais plus à trier. Ah, moi aussi je suis engorgé. Ouais, c'est ça. Dès que je voyais quelque chose. T'es dégorgé, toi. Dès que je m'énervais sur quelque chose, on me disait tu prends ça trop à cœur. Ouais. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on me dit tu prends ça trop à cœur en rigolant. Parce que j'ai bien compris les limites des choses, mais uniquement parce que je peux me poser pour réfléchir à ces choses-là, prendre du temps, parce que je ne suis pas encombré par autre chose. Voilà, donc en fait, l'aspect minimalisme principal, c'est juste de la rationalisation. Mais ça, je vais vous marteler, mais au bout d'un moment, ça va paraître logique, même pour certains, pour ceux qui s'y intéressent. Et puis voilà, il faut regarder, donc on ne peut pas gagner plus, hein, honnêtement, celui qui vous vend ça, c'est un charlot. Par contre, on peut essayer de dépenser moins. Moi, j'ai une information qui provient de la Banque de France. Entre 2008 et 2013, le taux d'endettement moyen du ménage français s'est passé de 72,8, déjà accrochez-vous à vos slips, à 82,4. C'est une hausse de 10 points en seulement 5 ans. Le taux d'endettement bancaire d'un individu de 2008 à 2013. Ah, c'est post-crise subprime, tout ça. Ouais, mais bon, on s'en fout de la période. Ah non, mais c'est le système. Si, parce que c'est le système qui compte. Voilà. Si ce système n'avait pas été aussi pourri que ce qu'il a été et que ce qu'il est encore, la période, tu t'en prends. Oui, normalement, les couilles, voilà. 1929, tu t'en souviens pourquoi? Parce que t'as un crash boursier. Ouais. Et pourquoi on se souvient de ce crash boursier? Parce que les gens, ils ont été pauvres, ils sont allés acheter des baguettes de pain avec des brouettes de pognon. Mais regarde tous les événements majeurs, tous ceux qui ont amené des crises, c'était toujours en relation avec l'argent. Mais toujours, c'est toujours ça, toujours. Ouais, avec l'argent ou avec la finance, quoi. Ouais. Bah, la finance, tu l'as. Oui, oui, oui. Oui, mais après, la finance, c'est pas avec l'argent des pauvres, avec l'argent des riches plutôt. Les talents de la finance, c'est quoi? C'est quand même l'argent. Oui. Ouais, mais. Donc maintenant, certains, peut-être, et même parmi ceux qui nous écoutent, pourront comprendre ma réticence vis-à-vis de tout ce qui est système financier et de tirer parti de quelque chose. Ah, vivement que les pendes. Donc on est quand même de 72 à 82,4 de taux d'endettement. Le taux d'endettement bancaire d'un individu, ça consiste... C'est bon signe ou c'est pas bon signe? C'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'endettent... C'est-à-dire que 80% de la population est endettée. Ça consiste à déterminer la part que représente... C'est pas forcément un mauvais signe. Les mensualités de crédit par rapport au revenu mensuel. Ouais. D'accord. Ah oui, ouais. Généralement, les banques de dépôt, elles refusent d'accorder des prêts quand le seuil d'endettement, il dépasse 33%. Mmh. On était à 72. On est passé à 82. Le seuil est à 33. Ils s'en foutent. Les subprimes, c'était ça, c'était pareil. Ok, ils s'en foutent, c'est une chose. Maintenant, est-ce que nous, on s'en fout? Ah ben ça va. Il faut absolument qu'on rentre systématiquement dans ce système. Mais non. Moi, je suis absolument contre. Être contre, c'est une chose. Mais en étant salarié, t'es obligé de... T'es dans le système, de fait. Parce que ton travail est... Pas sur l'endettement. Non, mais... Moi, je suis salarié, j'ai plus une dette aujourd'hui. Je n'ai plus une dette. Il y a un an et demi, j'en avais encore 3 000. Parce que tu dois aller travailler. Non, c'est une dette, non, en fait. Si, alors arrête d'aller bosser. C'est pas une dette. Bah, de toute façon, trois quarts du temps, bah, l'immobilier, c'est une dette. La voiture, soit c'est une dette. Aujourd'hui, attends. C'est une dette morale. Aujourd'hui, je vais bosser pour me financer ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ouais. Je vais plus financer ce que je dois assumer. C'est pas parce que tu te sens obligé. Mais voilà. Moi, je suis arrivé à un tournant où je suis revenu dans un métier qui me plaît, dans une société dont la philosophie ne me plaît pas. C'est ce que je disais à la fin de mon dernier podcast. Aujourd'hui, je vais braquer la banque tout le temps où ça me conviendra. Voilà. Parce que le jour où vraiment j'aurais mis juste les coups des franges pour pouvoir changer d'orientation de vie, parce que maintenant j'ai un projet de vie, voilà. Mais je leur dirais merde. Qu'ils soient leader mondial ou pas, voilà. Aujourd'hui, ça sert à mon intérêt. Avant, je travaillais pour les servir c'est eux ça, et servir mes banquiers ou mes factures. C'est ça. Tout à l'heure, il faut réussir à passer ce switch, c'est tout. Donc on était sur 33% d'endettement en seuil et donc un passage de 72 à 80. La banque centrale. Du coup, est-ce que tu as une idée de depuis quand est-ce qu'on est au-dessus de ces fameux 30? Alors là, je vais en faire hurler certains quand je vais citer ce nom-là. J'ai trouvé un documentaire d'Étienne Chouard qui expliquait comment la dette française avait explosé, entre autres. Donc, parce que passer du mécanisme de la dette de l'État à la dette du foyer, c'est relativement simple. Ouais. Et ils expliquaient qu'à partir du moment où on a arrêté de faire tourner notre propre planche à billets, on a créé de la dette, puisque empruntait de l'argent à l'extérieur. Et il y a une courbe qui est juste magnifique, où la ligne des abscisses, c'est le temps, et les ordonnées, c'est d'un côté le montant de la dette, et de l'autre côté les intérêts de la dette, que nous amène la dette. Ouais, c'est les intérêts directeurs de la banque mondiale. Ta courbe, elle fait ça. Voilà. C'est-à-dire que tu montes autant d'un côté que tu descends de l'autre. Elles ont le même coefficient directeur. Mais les intérêts suffisent. Résultat, quand tu n'es plus maître de ta monnaie, tu crées du déficit. Oui, bien sûr. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le point de départ, il est venu là. Donc je crois que c'est à la période entre De Gaulle et Giscard d'Estaing, ou Pompidou et Giscard d'Estaing. Là, par contre, je mets des grosses parenthèses et des gros guillemets parce que j'ai un doute sur cette période. Mais ça vient de là. Hein. Ça vient de 13, c'est autre comme ça. Et comment on en arrive là? Bon, alors bien sûr, on est dans une moyenne de taux d'endettement, mais bon, quand on arrive à ces altitudes-là, quand même, il y a un moment, il faut se poser la question. Il faut bien pouvoir compenser ceux qui sont bien en dessous du seuil par les foyers largement au-dessus. Il est clair que le contrôle efficace du taux d'endettement, ça passera pas par les organismes de crédit, puisque ils se basent sur les informations que tu leur donnes, déjà pour dire oui ou non. Mais bien que maintenant, on essaye de progresser en croisant les fichiers, en disant non, mais il y a déjà ça à côté, j'ai déjà ça à côté, donc on ne peut pas vous le faire. Mais c'est surtout que c'est leur raison d'être. Voilà. C'est-à-dire qu'ils te prennent ton pognon et eux, ils en vivent. Voilà. Donc je ne pense pas qu'eux, ils soient très enclins à faire quelque chose de ce côté-là. Je pense que c'est plus une prise de conscience de notre part. Voilà. Pour limiter le besoin d'utilisation de ce levier. Moi, je vous ai dit, j'ai crédit maintenant, c'est zéro. Ça représente zéro de ma charge. J'ai plus de dette. Et je me refuse à utiliser le système du crédit. Sauf parce que tu es salarié. Et que tu as de l'argent qui rentre tous les mois. Non, mais si tu étais à ton compte, mettons, si tu avais une entreprise, mais que tu sois à ton je compte... Je ne peux pas être en contradiction avec ce que tu dis. Non, je ne suis pas puisque en train de contredire non plus. Non, mais tu me donnes un contre-exemple. Tu veux que je te donne la conclusion? Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Et tous ceux qui me font... C'est pas le même paradigme. La démonstration par un contre-exemple auront raison. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est ça. On n'a pas tous les mêmes intérêts. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu veux vraiment, et ce dont tu as vraiment besoin. Si tu es en accord avec tout ça, normalement, il ne peut rien t'arriver. Bon. Mais pour autant, j'insiste encore que ce soit une démarche volontaire. Voilà. À partir du moment où c'est subi, tu es dans la survivance. Pas les femmes de ménage. Voilà. C'est grave. Et donc pour ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur nos besoins réels, en un premier temps. Le tatage de bite. Enchaîne. Donc, dans un premier temps, c'est les besoins réels, et à terme, on commence par éliminer les dettes. Mais de facto, vous allez voir, c'est un mécanisme qui vient directement tout seul. Sauf pour ceux qui n'en ont déjà pas, et qui là peuvent se concentrer sur autre chose. J'en ai pas, moi, zéro. Mais tu sais, voilà. J'allais dire que c'est pas la chance que t'as. Si, parce que moi, je veux pas rentrer dans ce système non plus. Et déjà, éliminer toutes ces dettes, c'est quand même un gros point parce que c'est une sacrée charge financière. Mais c'est aussi une charge mentale importante. Putain, complètement. Combien de fois on s'endort parce qu'il y a un paiement qui n'est pas passé ou on peut être à découvert parce qu'on a eu un accident de vie ou une dépense imprévue. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir se constituer un tout petit matelas en fonction de nos proportions. Et juste de rationaliser combien on peut mettre de côté et jusqu'à quel seuil on se donne avant de dire bon ben voilà, là j'ai une sécurité maintenant, est-ce que j'ai pas envie de quelque chose, parce que de temps en temps faut aussi se faire envie, faut aussi relâcher un peu la, faut se faire plaisir avec ses envies, faut pas que ce soit trop draconien, voilà. Et faut pas que ce soit une contrainte, si voilà. C'est une contrainte, ça marchera jamais. Regarde, le travail est une contrainte, on a que des problèmes sociaux. Ouais. Le travail serait librement consenti. Putain, c'est autre chose. Hein. Et libre, non, mais il serait librement consenti et rémunéré. Alors, ouais, attention, non, quand je dis rémunéré, je mets pas forcément de l'argent, mais je veux dire valorisé à sa juste valeur par rapport à ce que tu donnes à la société. Déjà, tu aurais beaucoup plus d'initiatives volontaires. Tu aurais des gens qui feraient beaucoup mieux ce qu'ils aiment faire. Ce qu'ils devraient, oui. Donc les choses seraient nettement plus abouties. Et tu verrais pas le Japon, quoi, c'est ça. Et tu, hein? Pas le Japon, quoi. Là-bas, c'est. Alors, il nous faut tant de comptables. On drive c'est, les gens. C'est une culture que je connais pas trop, donc je pourrais pas. Je pourrais pas sens, vraiment dans les, c'est selon les besoins, ils ouvrent les classes et voilà. Donc ouais. si ton rêve c'était d'être informaticien et que t'as pas de bol, tu finiras comptable et puis ta gueule. C'est bon, tu passes ta journée devant un ordinateur. Mais c'est pareil, t'es bien évidemment, t'es bien heureux. Ouais. Sois heureux, bien que la vie. Avoir cette charge financière là, c'est vraiment une charge mentale importante. Avoir à penser à cette contrainte à chaque fois qu'une somme argent, quelle qu'elle soit, doit sortir de notre réserve, ça te consomme de l'énergie, de l'enthousiasme, du moral. Enfin, alors le chemin est peut-être plus long, mais c'est aussi le plus profitable, car ensuite on peut se concentrer vraiment c'est long. Sur tout ce qu'on aime. Oui, c'est bon. On transite d'abord par la case envie, hein, qui doit nous permettre d'affiner notre jugement, si c'est sur ce qui est ou pas du besoin, du gadget ou du loisir. Si le besoin réel est impératif, pas de question à se poser hein, sur l'achat. Là, c'est l'investissement pur et dur parce que ça répond à un besoin. Oui, oui. Si le doute subsiste quand tu dois acheter quelque chose, ah, t'es peut-être dans le compulsif ou dans le systémique, hein, où c'est consommer pour consommer. Donc oui. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est peut-être là qu'on va avoir un gain potentiel. Ah, mais et généralement, dans 9 cas sur 10, oui, on a un gain potentiel. Déjà, quand tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc qui t'a mis en éveil. Et puis si c'est clairement identifié comme ça, j'aime profondément le truc, j'adore ça, ça ne nuit pas à ton budget, c'est vraiment ton plaisir, c'est vraiment ce pourquoi t'as envie de te lever le matin et d'aller bosser. Oui, parce qu'il faut qu'on teste l'aspect sur deux. Si c'est ta récompense et que ça doit te prendre un pan de mur parce que tu aimes les bouquins et que tu veux avoir une collection de bouquins, il n'y a rien de contradictoire à se faire plaisir et avoir un mur de bouquins. On n'est pas en faute avec le minimalisme. Oui. Puisque c'est notre version à nous de l'accomplissement. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai quelques petites règles que j'ai piquées à droite à gauche. Il y avait une règle qui s'appelait le 20-20. Pas donné à manger après minuit. J'en ai quelques-unes, ça va vite. Il y a la règle du 20-20. C'est les deux Américains dont je parlais tout à l'heure prenaient, n'ont rien dans leur maison si ils peuvent se le procurer à moins de $20 en moins de 20 minutes. Ah, j'avais entendu parler de ce truc. Moi, j'ai fait encore mieux parce que je suis dans une petite ville qui met en place le développement local et je fais le 15-15. Si 15 euros, si je peux me procurer un truc dont j'ai besoin ponctuellement, attention, on est dans du ponctuel, hein. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il va te servir une fois ou deux fois l'an. Si je peux l'avoir. Tu vas l'acheter et après tu le jettes. Non, je vais l'acheter. Et après tu le jettes. Je vais l'utiliser et après je vais me renseigner, savoir si quelqu'un en a pas besoin. Voilà. S'il en a besoin, le garde. Et s'il n'en a pas besoin, mais je demande à d'autres personnes. Okay. Voilà, c'est ce qu'on parlait. On fait recirculer. On fait recirculer. Et la personne, qu'elle soit à 200 mètres de chez toi ou qu'elle soit à 300 mètres, qui en a besoin, c'est pas gênant. Il y a toujours des réseaux de personnes qui sont prêtes à s'entraider. Et puis au pire, tu fous ça dans un colis, et le mec, tu lui envoies. Et puis il te rembourse le colis à la limite. Ouais. Tu vois. C'est aussi penser en termes de surconsommation, c'est aussi aller lutter contre ça. Parce que le réflexe, il est facile, c'est de dire, ah bah tiens. Un jour, j'aurais peut-être besoin de. Mais... Ouais, au cas où. Voilà. Au cas où. C'est les pires mots de la langue française. Ouais. Alors, au cas où. Ouais, moi, j'ai un exemple, je connais quelqu'un qui commande beaucoup de câbles. Au cas où. Je me sers de tout ça. Ouais, franchement, tu viens chez moi, je te dis celui-là il sert. Alors, tous les câbles qu'on a d'ici de jack, double jack. Bah, les vieux là qui sont pourris, on peut les jeter. Enfin, on peut les faire recycler, on peut les donner à quelqu'un. Je m'en fous. Parce que après, les autres ils sont neufs, bleus, c'est blindé. Ouais. Enfin, t'en avais pris quelques-uns en bleu et t'en as repris d'autres après. Et finalement, les câbles bleus qu'on a utilisés là, Jack-Jack. Ah ouais, non, mais là on n'a pas le téléphone aussi déjà. Donc, ouais. Ça fait deux câbles de plus, mais. Ouais. Mais ça va vite, hein. On s'est barré chez moi quand je commence à brancher le micro sur le un truc, sur un autre truc, sur un autre truc, et bah tu te dis qu'il t'en faut des câbles. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un branchement spécifique sur le téléphone alors qu'on peut mettre le téléphone à côté de... On appelle personne comme ça, on fait pas de podcast, ça on a pas de micro. Comme ça au moins on se pose pas de questions. Allez, bon. On gagne du temps. Bref, la règle du 15-15 devrait pouvoir t'aider. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ça devrait pouvoir t'aider. Bon, après, je suis pas sûr que tu puisses avoir chez AliExpress en moins de 15 minutes. Ouais, alors là. Bah, si, tu peux l'avoir. Alors... Enfin, tu peux la commander en moins de 15 minutes, mais voilà. Tu l'auras pas en moins de 15 minutes. Voilà. Par contre, pense au bilan carbone. Oui. Voilà. Mais de toute façon, ça vient de là-bas quand même. Je sais pas, est-ce qu'il y a pas. Est-ce que tu as pas moyen un de. Un petit producteur de câbles local. Ah, voilà. Qui élève ça des dans des cages aux petites. Ça m'étonnerait que le petit producteur de câbles local il rentre à moins de 15 euros. Hein. Je sais pas, il y a une philosophie aussi. Le câble artisanal. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un petit truc. Il y a peut-être une solution qui est de dire je vais acheter moins dans l'année. Par contre, je vais acheter qu'une fois, mais je vais peut-être le payer plus cher. Par contre, il va peut-être me faire une durée de vie 4 ou 5 fois supérieure. Tous les espaces que j'ai achetés, ils marchent très bien. Il marche même mieux. Si t'en es content, il n'y a pas de procès. Hein. On s'en fout. Qui sait qu'avait un problème de câble dans sa voiture, qui devait le changer tous les 15 jours, et j'ai fait tu veux que je t'achète un câble à 2 euros ou 3 euros sur AliExpress, et qu'il est encore. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec. Mais on sait jamais. Oui, bon, en même temps, ces trucs, c'est pas fait pour durer non plus. Il y a ad vitam aeternam. Hein, c'est pas. On n'est pas dans une société du ad vitam aeternam. Hein. Mais là, après, sur ce que tu disais, est-ce que tu aurais tes câbles pour moins d'euros, il y a aussi une autre logique derrière. C'est que justement, ils produisent en quantité, donc du coup, ça baisse. Ça fait baisser le coût. Donc t'as ça aussi, est-ce que c'est producteur français, il n'y a pas qu'un chinois dans une cave à bosser 24. Ah mais c'est les mêmes chinois qui bossent, sauf que lui il est l'intermédiaire de l'intermédiaire. Si c'est le producteur local qui fait sur place, non, t'as pas qu'un chinois dans sa cave en train de faire... Trouve-moi un producteur local de câbles. Au bout d'un moment, tu me le cherches, tu me le trouves, je rigolerai. Femme aéro du côté de chez Benjir. Alors, si c'est pour aller appeler les entreprises de Brumbus devant faire alors, qu'est-ce que tu gagnes avec AliExpress? Tu communiques avec personne, t'appuies sur un bouton et tu reçois ton truc. C'est super. Ben voilà, mais moi, après, j'ai pas de soucis avec ça. Si toi, ça te permet de vivre selon tes convictions, il n'y a pas de soucis. Personne peut avoir de soucis parce que c'est toi qui fais. Et moi, comme je dis, c'est moins cher qu'un magasin physique et la qualité est meilleure. Ben voilà, donc voilà. Tu sais pourquoi tu l'achètes. Voilà. Ok. Sur ces arguments-là, tu peux venir. Moi, je préférerais aller l'acheter au magasin et me dire, par exemple, quand je voyais ranger ses câbles là, je me dis, putain, mais quelle honte, quoi. Il fait ça plus cher et il a une merde plus grosse. Je me dis, mais quelle honte quand même. C'est vrai que le câble audio à 10 euros qui se pète là au bout après. Une semaine. Non, mais attention, après il y a des baltringues partout. Oui, mais ça va tomber sur le mauvais. C'est... Ouais. Mais on peut pas tous les condamner. C'est ce que je veux dire. Deux fois de suite sur le même type de câble. Voilà. Parce que c'est le problème façon, vient de celui qui. On ne peut pas échapper dans ce genre de cas à la dissonance. Donc là, ça c'est un autre moyen. Voilà, c'est acheter peut-être un peu, un peu moins, un peu plus qualitatif, peut-être un peu plus cher. Voilà. Mais par contre, sur la. Qui c'est qui a sorti un très bon exemple qui me revient en tête? Je crois que c'est Bad Pitt. Je sais pas si c'est pas lui ou si c'est quelqu'un qui parlait d'un sac à dos. Ouais. Qui disait, ben moi des sacs à dos, avant, il mettait 30 balles dans un sac à dos, seulement il le changeait 3 fois dans l'année. Là, il en a acheté un, oui, ben il lui coûte 70 euros, ça fait 3 ans qu'il l'a. Moi j'ai mis 30 euros dans un sac AliExpress et il n'a pas bougé. Et j'utilise tous les jours. Comme je disais à Benjir, il y aura toujours plein de contre-exemples pour aller en face ça, de ce que l'exemple ne fait pas. Mais il n'y a aucune solution qui est mauvaise. J'ai depuis la 5e dans ce sac à dos. Ouais. T'as ton TANS? Non, c'est un sac à dos de DP. Donc à l'époque, j'avais j'avais payé 90 balles, peut-être un truc comme ça. Mais je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait plus de 15 ans que je l'ai mon sac à dos. Et voilà, puis, encore une fois, prix et qualité n'est pas forcément... Et là, il y a une règle que j'ai adaptée aussi de mon côté, mais là, il faut vraiment comprendre qu'on est encore une fois dans le minimalisme volontaire, hein, parce qu'on va parler d'argent. Voilà. C'est la règle du tiers salaire. Un salaire, un tiers à côté. Voilà. Tous les mois, un tiers du salaire à côté. On y vient à la fin, quand on a réglé. Oui. Parce que la question de l'argent est quand même relativement assez importante et peut générer énormément de stress et de soucis. Ça, c'est vraiment un palier qu'on a à la fin. Un tiers salaire, tous les mois, mis de côté. Et je peux vous garantir... Mais ça, en fait, c'est d'appliquer à ta gestion domestique des principes qu'on te conseille de faire pour la gestion d'une PME, par exemple. Et qu'on s'empresse de te faire oublier une fois que tu es dehors. Une fois que t'es dehors. Bah, une fois que t'es dehors, que t'es soumis à toute la consommation. On te dit, ouais. T'en as pas besoin, mais regarde, c'est pas cher. Achète un bel iPhone. T'en as pas besoin, mais regarde, c'est joli. Mais regarde, il a double capteur, il est beau. Et je peux, et ça, je peux vous garantir, avoir un mois de salaire d'avance de côté, non, mais trois mois, j'imagine même pas. Je peux te dire que le premier jour où tu as cette poire pour la soif, tu passes une nuit, mais comme t'en as jamais passé. Eh ben, je veux bien le croire. Ouais. Mais c'est, par contre, c'est sûrement le plus difficile à obtenir. Moi, c'est bon. Mais donc, t'es pas obligé de commencer direct à un tiers. Tu commences, tu fais 2%, 3%, 4%. Ça va être plus long. Mais si tu t'y tiens au bout d'un moment, normalement, ça doit passer. Tu dois être tranquille. Puis après, tu te fixes tes seuils. Une fois que tu as vraiment réglé tout ça, après, tu as les relations sociales, forcément, qui évoluent. Les prostituées. Oui, déjà, tu peux t'en payer plus. Ah, en fait, peut-être ou de meilleure qualité. Ouais, local. Compagnie locale. Des scènes. Peut-être elles peuvent te faire des pipes à moins de 15 bits. Des scènes. Voilà, on peut, on peut donc s'attaquer aux relations sociales. Parce que attention, les relations sociales, elles aussi, peuvent consommer une partie de notre budget. Ouais, on rigole, mais souvent, il y a... Mais si tu gagnes de l'argent, c'est quand même bien pour en faire profiter tes potes. Chez les cadres qui gagnent de 3 000 à 5 000 euros, par exemple, et il y en a beaucoup qui sont dans des situations d'endettement fortes, parce qu'en fait, ils veulent montrer quand même que, voilà, tu sais, dans ma vie, ça va. Donc, bah, tu prends tu prends l'Apple Watch, tu prends l'iPhone X, tu prends le Brunel, tu prends le buffet. Le 4x4 de Volkswagen. Et c'est ça, tu vas au resto. C'est combien là le petit Sauvignon? Non, c'est pas assez cher. Un truc un petit peu plus cher peut-être, c'est pour régaler les amis. Donc forcément, ça va vite. Il y en a qui disent, ouais, comment ils font pour user 3000 euros? Et quand tu fais des trucs comme ça, les 3000 euros, ils partent vite. Voilà, c'est uniquement par pure convention, on essaye d'obtenir une place dans notre communauté. Alors comment jauger la nécessité de garder ou de supprimer une relation plus qu'une autre? Déjà, il faut juste mesurer le niveau de satisfaction qu'elle procure et l'investissement personnel qu'elle demande. Il peut y avoir des effets de bord importants, hein, comme dégrader une relation proche ou même découvrir d'autres personnes. Vous gagnez en authenticité, par contre, parce que là, il n'y a plus de faux-semblants. Hein. Les gens, vous êtes honnête avec eux. Le minimum, ce serait qu'ils le soient avec vous aussi. Et un exemple que j'ai déjà dû, juste pour finaliser le truc, un exemple que j'ai déjà dû évoquer ici, poser une demi-journée de congé, parcourir 750 km dans un week-end, recevoir et covoiturer des amis à la maison, tout ça pour partager un moment avec les gens participant de loin, de près, à l'apéro original. J'espère qu'il t'a sucé au moins. Oh oui. À minima. Voilà. Le goulot de la bouteille. Voilà. Je vais vous faire le bilan de mon investissement personnel. Ça a été du temps. Voilà. Que je compte pas quand je suis dans des moments comme ça. Du repos en congé. Oui. Hein, puisqu'on travaille, on gagne du congé, donc le minimum c'est qu'on puisse s'en servir comme on a un petit peu envie. De la route, il faut conduire, donc c'est de la fatigue aussi. C'est du temps que je passe pas avec ma campagne, hein, qui vous embrasse toutes, tous. Il y avait du pain. Des frais de carburant. Voilà. Vous voyez, il y a tous les aspects. Il y a de tout. Il y a les frais de carburant, il y a les péages, il y a tout. Enfin, je veux dire. Mais en retour, moi, à chaque fois que je viens ici, c'est unique. Tu l'as fait volontairement. Parce que c'est consenti. J'ai été malheureux comme une pierre quand j'ai pas pu venir il y a 3 mois parce que j'avais le temps d'en fissurer. Le 11, je vais prendre un autre exemple. Pas de nuit le 11 août. Le 11 août, c'est mon anniversaire. Et on te dit, ah, mais faut que tu viennes. Tu fais, mais non, j'ai une convention familiale qui fait que le jour de mon anniversaire, je dois rester à la maison. Mais j'aurais très bien pu dire, mais vous me faites chier, j'y vais. Mais non, là, parce que là, c'était beaucoup trop de contraintes à gérer derrière. Il y a un moment, faut aussi. C'est là où je dis, on ne peut pas tomber dans l'égoïsme non plus. Sinon, on détruit. Faut savoir faire la part des choses. Voilà. Tu fais pas comme un des conseillers de Donald Trump qui a dit par exemple, mais pourquoi les gens bien portants payeraient pour les gens qui sont malades? Voilà. je vous fais un autre exemple. Malades, je pense que celui-là, il vous parlera plus. Le monde du podcast qui prend une tournure qui me plaît vraiment. Ça y est, on y est. Le carquois, il a gravé les noms de ses ennemis sur ses fesses. Ça prend une tournure qui ne plaît guère du fait de l'apparition de groupes qui veulent investir et retirer des bénéfices, hein, toujours l'argent. Au mépris de la passion, parce que clairement on est dans un objectif. Mais c'est pas sous argent. Oui, Donc là c'est pareil, ces relations-là, j'ai fait simple et consigne. J'ai supprimé les sources de communication avec ces éléments-là. J'ai supprimé, je les ai supprimés de Twitter, je les ai virés de Podcast Addict. Ouh, mais t'as une vie fasciste, toi. Ouais, je m'arrange pour couper toutes les sources, pour avoir une information et pour me donner un motif de m'énerver. Voilà. Parce que j'ai compris qu'à 42 ans, mon cœur, il allait pas tenir quand tu fais une pointe à 17-10 de tension. Tu prends ça trop à cœur. Voilà. Mais là, pour le coup... Tu prends ça trop à cœur. Tu prends ta peau trop à cœur. Mais il y a bien toujours quelques retours par la bande, hein, merci Pépé, pour te remettre un petit coup de pression. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ponctuellement, c'est beaucoup plus gérable que systématiquement. Avant, j'étais à un niveau d'énervement constamment... overdrive, tandis que là, aujourd'hui, bah, il suffit que je vienne ici juste pour m'énerver, voilà. Tu dis ça parce que tu vas nos gueules. Et puis un contre-exemple, parce que sinon on va me taguer de communo anarcho nihiliste du podcast. Fasciste, non fasciste, tout court. Ah, mais c'est mental ça. Voilà, j'ai toujours eu, et j'ai toujours, d'ailleurs, professionnellement, un point de vue critique sur toutes les strates dont se compose une entreprise. Voilà, je m'efforce d'être toujours objectif et de toujours dire les choses telles qu'elles sont, par rapport à ce qu'on me demande. Quand je dis critique, ça, c'est voilà, on est dans le sens le plus objectif possible. Si on me demandait mon avis, je le donnais. Que la demande provienne, soit d'un boss, soit de quelqu'un de mon équipe ou même d'un transverse. Tu n'as pas utilisé N+1, tu n'es pas. Si, mais tu n'es pas disruptif. Je l'utilise assez au boulot pour ne pas avoir à l'utiliser ici. Bon, je comprends bien. Voilà. Si on me demande N+1 ici, ça a l'air top. Non. Oh, c'est chez toi. Oui, mais c'est chez moi, mais au niveau du podcast, on l'a créé à trois. Ouais. Justement, on a chacun une petite partie et. Moi, j'accorde que de la merde, c'est une très grosse partie. Ouais, c'est la partie où on n'écoute pas en fait. Exactement, du podcast. En tout cas, pour moi, les N+1, c'est les sociétaires. Oh, ouais. Oui, mais toi, t'es invité. Donc, oui, t'es pour être invité, faut sucer. Enfin, non, t'es pas dans la même hiérarchie entre grosses guillemets, parce que c'est pas la même chose. Enfin... Moi, c'est presque même le contraire, ce serait presque même les invités qui passeraient avant nous, tu vois. Bah oui, comme le client, quoi. C'est un peu ça. Grosso modo, mais voilà. Enfin, voilà, moi, j'étais sollicité de partout, et je donnais mon avis, parce que bonne poire, quand on me pose une question, moi, j'aime bien... J'y réponds. Bah, je réponds, je veux pas être... tête de mule, hein, contrairement à ce que certains pourraient croire. Le problème, c'est qu'à force d'être objectif, d'un côté, t'étais bien vu, parce que t'allais toujours dans le sens de ceux qui entendaient des choses qui leur plaisaient, et d'un autre côté, t'étais toujours un peu mal vu, parce que forcément, t'avais toujours une grande gueule, et t'avais toujours tendance à l'ouvrir. Donc en fait, t'es un peu classé comme quelqu'un de volubile, d'indécis, d'incertain, tout ça. Ouais. J'ai résolu le problème, hein, j'ai dit, mais vous me faites chier, allez vous faire enculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rentre, je prends mon poste, je travaille, je réponds aux consignes de mon poste, et je me casse. Et je peux vous garantir qu'on gagne en qualité de vie au travail. J'échange avec mes collègues sur le plan professionnel, et le reste, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. C'est là où je vous disais que la mentalité de la boîte est très importante. Parce que le jour où vraiment ça dérèlera et que ça commencera à redevenir un problème, ça voudra dire pour moi qu'il sera temps de partir. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, honnêtement, avec ce que j'emplate et avec ce que j'ai à faire, je vais pas me plaindre. J'emplafonne pas des 100 et des 1000, mais j'ai largement ce qu'il me faut pour vivre. C'est super. Parce que j'ai réduit mes besoins et j'ai mis une adéquation là-dessus. Le minimalisme, c'est le principe d'adéquation des choses. Voilà. Mais voilà, une fois que vous avez fait tout ça, normalement... On va dormir. Je vous dis pas que c'est une solution miracle. Le point clé, c'est de se questionner. Alors, pas de se prendre la tête, mais de se questionner. Et l'argent du podcast, il rentre où? Dans ton cul. avec des pièces rouges. Parce que ça va dans ton cul. Maintenant, je vais juste vous donner 2-3 ressources et puis après, je vais vous foutre la paix parce que je pense bien que le minimalisme, il y en a qui ne se doit pas forcément. Moi, je suis plus maximaliste. Mais pourquoi pas? J'adore lire le magazine. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Donc, je vous ai parlé des minimalistes. The Minimalists. Joshua David, c'est un minimaliste. Neil Burns et Ryan Nicodemus. Ils ont un blog très riche. Ils font du podcast. Avec de l'argent? Oui. Je crois. Ce qui se passe, c'est qu'on peut on peut faire des dons. Et ces dons, par contre, il les redistribue. Peut-être, j'ai pas le nez dans les comptes, mais je sais qu'il Mais moi aussi, c'est pareil, si on me fait un don, je redistribue un coup sur mon livret A, mon PEL. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis d'encaisser un chèque de 30 000 $ et de l'envoyer pour faire financer une construction d'un hôpital en Tanzanie ou quelque chose comme ça. Et l'argent est rentré en espace de 3 mois, tout était fait. Malheureusement, je vais m'inscrire en fou là-dedans. C'est aussi une belle... comment ça s'appelle, se donner de bonne conscience que de donner de l'argent d'un des pays à laquelle on en a finalement rien à foutre. Et voilà. Moi, je mais c'est eux qui le font, c'est pas moi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Voilà, c'est donc et ils ont écrit plusieurs livres qu'on ne trouve pas traduits en français. D'accord, donc là, pour le coup, vous êtes obligés de... Censure. Vous allez être obligés de les faire... Alors que Zemmour, il écrit en français, salaud. Bon, enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de trace de mise en route d'une traduction. Donc, faut avoir quelques notions d'anglais pour les lire. Et vous retrouverez tout ça sur le site theminimalist.com. Ensuite, un blog et un podcast dont on a parlé hier dans le Summer Edition. Oh, Simplicité, Floriteller. Elle est orientée minimaliste, mais également slow. C'est pour vraiment prendre son temps et ne pas se précipiter et vraiment aller dans le sens des choses. Que t'es là, que t'es pas bien. C'est une école, c'est une réflexion. C'est de l'entraînement. Elle est très tournée écologie, simplicité volontaire. Et ce dont je me souviens, c'est que elle, ça avait démarré quand elle était partie faire des études au Japon. Et qu'elle a accumulé en un an énormément de choses, et quand elle a voulu revenir, elle a fait c'est pas possible, ça va coûter trop cher en retour, et puis où est-ce que je vais foutre tout ça. Donc voilà, elle, c'est là qu'elle a eu cette prise de conscience. Donc on la retrouvera sur son site simple-cité-sans-accent.com pour le blog, qui recense également les épisodes où on peut récupérer le flux RSS pour le podcast que voilà, vous retrouverez sur spreaker.com. Et ensuite un dernier sur YouTube. Quelqu'un qui a démarré le RG Podcast Minimalisme. C'est comme le RGPD, mais podcast. En août 2017. C'est Richard qui est assez prolixe. Hein. Lui, c'est des pastilles de 5 minutes, mais il en fait énormément. Il y a près de 160 épisodes, donc depuis août 2017. Je vous laisse imaginer la cadence de production. Il couvre un petit peu. Alors lui, c'est vraiment la palette la plus large du minimalisme. Ça peut être très intéressant de commencer par lui. Il se cantonne pas. Des... Parce que lui, déjà c'est très court, c'est 5 minutes. Et en plus, il aborde... C'est long, 5 minutes. Oui, pour toi, oui. Et voilà, il donne pas de leçons, il n'y a pas de prétention. Et ouais. Il se questionne tout le temps. Déjà, et ça, c'est bien ça. Et il essaye de faire profiter les gens des réflexions qu'il a eues. Voilà, et lui, vous le retrouverez sur YouTube à RG Podcast Minimalisme. Et j'en ai fini, je vous libère, messieurs. Ça, c'était du dossier précieux. Qui n'est pas fini, d'ailleurs, à 90% seulement. On va juste ajouter, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, La magie du rangement, de Marie Kondo. Ouais. Donc, c'est un bouquin. C'est un bouquin, c'est adapté en manga. Qui a été adapté en manga, donc vous retrouverez également La magie du rangement illustré de Marie Kondo chez Kurokawa. Ouais. Et pas de Koji Kondo, qui lui fait de la musique. Voilà. Merci de votre attention. Prends donc un peu de Corsendon minimaliste. Est-ce que vous voulez que je fasse un discours minimaliste sur la Corsendon? Non, c'est pas possible, ça existe pas. Ça existe pas. Moi je vais le faire. C'est de la merde. Non. J'ai fini. Alors par contre, une petite question. Est-ce qu'il y en a qui vont se pencher sur le principe du minimalisme? Ouais, moi j'y suis dedans, de toute façon. Moi, oui, un peu. Je suis un peu dedans. Avec tous tes bouquins? J'ai envie d'essayer de l'adapter. Et tous tes jeux sous blister? Parce qu'en fait. Je n'ai moins que. De toute façon, des jeux sous blister, il y en a beaucoup. Bah, en fait, je suis pas salarié. Ouais. Donc, c'est compliqué, mais en même temps, c'est nécessaire. Ouais. Parce que tous ceux qui sont qui bossent chez eux, en fait, c'est une discipline qu'on doit avoir. Ça s'appelle la rigueur, quoi, et c'est ce qui fait que tu fermes peut-être pas ta boîte sur un cours au bout de 2 ans. En fait, c'est des questions de bon sens qu'on nous inculque depuis qu'on est gamin avec nos parents ou... Trop de merde. Ou même des fois à l'école et qui se font dévoyer dès qu'on rentre dans la vie active. Voilà. Ça dépend dans quelle vie active, parce que moi c'est mon comptable qui me parle de ça. Oui, je te parle de mon... Sur le côté minimalisme, moi je tiens de mon père où j'accumule beaucoup. Ça se voit. Oui, moi c'est pareil. Trois étagères. Boîte en carton là, derrière. Ouais, mais toi, ça c'est pour le... Si je déménage, j'ai des cartons pour déposer. Toi, c'est des trucs pour... Ouais, c'est des petits cartons. Tu prends l'exemple de tes biens, mais ça, pour moi, c'est pas incompatible avec le minimalisme. Ça, pour moi, c'est une passion. Un plaisir. Ça, pour moi, c'est une passion. Ça revient exactement au mur de livres dont je... Ça fait un plaisir. Moi, tu me l'enlèves dans le mur de livres, je meurs. Plus ça va, plus je pense à... Enfin, les biens, ça sert à part juste les décorer. Et je vais pas souvent dans le salon où ils sont. Je vais dans la cuisine, mais je les regarde pas. Donc c'est plus un élément de décoration, mais qui me prend de la place. Oui, mais quand tu le regardes, tu vis que t'as vécu des choses avec ces bouteilles de bière. Non, mais... Ah ouais, c'est comme ça. Non, mais voilà. Tu voulais les mettre. Ce que je veux dire, c'est que ça représente quelque chose pour toi. Je comprends pourquoi la poussière école dessus. Que j'ai des buts. Enfin, qu'elles sont belles ou que j'ai on des buts. On voit pourquoi elles sont propres. Hein. Après, c'est pas dur. La question, oh, c'est. Elles sont propres. Après, la question qui va régler une grosse partie de ton questionnement, c'est de dire si je m'en sépare, est-ce que je vais être triste? C'est surtout ça, oui. Va pas chercher. Commence par l'affectif. Si je m'en sépare, est-ce que je vais être triste? Je pense pas. Ouais, par contre, c'est une question qui n'accepte pas une réponse en demi-mesure. C'est oui ou c'est non? Oui, mais je suis normand. Enfin. Moi aussi, hein. Et pourtant, ce choix, je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Ouais, les normands, ils peuvent pas être minimalistes. Moi, non, mais on rigole, mais moi, avec certains bouquins, j'ai exactement le même problème. Souvent, je préfère les acheter en physique parce que t'as une meilleure qualité de lecture. Et puis t'as l'objet. Oui, l'objet, ouais, en fait, finalement, quelque part, pour certains trucs, je m'en fous parce que regarde, j'achète bien la musique sur Bandcamp, je suis pas mort. Hein. Ouais, mais t'achètes aussi des vinyles ou des trucs. Non, mais j'achète pas du tout. Hein. Moi, ouais. C'est vraiment un crève-cœur d'acheter un CD pour pouvoir le mettre en MP3. Quoi. Pour moi, c'est une torture parce que les mecs, ils te vendent plus cher un truc en physique. Non, ils te vendent plus cher un truc en numérique qui est censé être moins cher qu'un truc en physique. Mmh. Moi, il y a certaines BD que j'achète, je les lirai qu'une fois. Hein. Je suis totalement d'accord avec Toucheux. Mmh. Mais c'est j'achète pourquoi? Parce que déjà, d'une, t'as pas trop de format numérique. C'est pour payer le format numérique, le même prix qu'un format physique. Au bout d'un moment, quand tu vois la différence de qualité de lecture, on peut pas te poser une question. Hein. Regarde les livres. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai sorti ma collection. Et combien de livres? J'ai lu qu'une seule fois aussi. Ma collection de livres. Béa, ma compagne, a sorti sa collection de livres aussi. Donc, à nous deux, ça faisait presque 300 ou 400 bouquins. Est-ce qu'on s'est arrêté de lire pour autant? Non, on a juste changé. Maintenant, on a acheté une Kindle. Voilà. Donc on a investi dans une Kindle. C'est ça. Par contre, ma Kindle, pour l'instant, je suis en train de récupérer tout le retard des classiques qui sont tombés dans le droit libre, dans le domaine public. Non, ils se sont publiés, pas tombés, on s'est levé dans le domaine public. Parce qu'il faut le respecter. Qui sont facilement disponibles gratuitement et légalement. Mais j'en ai plein comme ça aussi, moi. Eh bien, je n'ai pas encore acheté un livre sur ma Kindle. C'est ça. Et ça va faire ça fait un an, puisque je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Et je me suis tapé tous les Sherlock Holmes. Je me suis tapé, le livre, Moby Dick. parce que c'est tapé Moby Dick, le seul que j'ai pas vraiment réussi à finir parce que c'est compliqué pour moi. De quoi t'as pas fini? C'est Darwin. La théorie de l'évolution de l'espèce de Darwin. C'est velu. C'est compliqué. Même si les 20 premiers pourcents sont très très durs, après on tombe dans un domaine où c'est plus facile à lire. Et pas par assimilation ni par habitude, mais uniquement parce que les termes ont été changés, je pense. Mais ça reste vraiment trop scientifique en termes de démonstration technique et tout. Enfin voilà, la théorie de survie des espèces communes. Ouais, ça n'a pas été écrit dans un champ. Quoi. Mais c'est un ouvrage d'époque. Ouais. Je veux dire, c'est dans son jus, quoi. Mais voilà, on a viré 400 bouquins, on ne s'est pas arrêté de lire, on a des tablettes Kindle. Voilà. C'est ça. C'est un investissement, je suis d'accord. Je veux dire, on tue plus un arbre. C'est ça. Mais bon, après, tu vas me dire, ouais, mais la Kindle, comment tu la recycles aussi? Je suis d'accord. Mais en attendant. C'est pas le problème que je cite, moi. C'est parce que moi, j'achète des bouquins récents et que. En attendant, on va pas flinguer le vivant en faisant tomber des arbres. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est. Ça veut pas dire que ma réponse est la meilleure. Ouais, non. Mais quand je vois l'homme de livres que j'ai lu qu'une fois, il n'y a pas de substitut pour les avoir lu qu'une fois, moi, j'ai dit souvent à mon père, moi, je dis, moi, une Kindle qui lirait les BD comme il faut. Pour certains trucs que je lis qu'une fois, j'en serais très bien heureux. Malheureusement, tu comprends bien que. Voilà. C'est tout pour moi. Merci patron. C'était passionnant. Merci patron. Ouh, ça sent l'épisode 3. Ça sent l'imposé, ça. Ça pue. Ah merde, putain, j'ai même pas la main. Mais ne teasez pas trop. Ne teasez pas le mois de décembre. Parce qu'on est au mois d'octobre. J'ai repris la même. Et on passe donc aux questions. T'as repris la main, hein. Les questions aux invités. Oui. Alors à qui il faut poser les questions? Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Bon. Du coup, à qui est-ce que je dois poser des questions? Toi qui vois. Allez. Alors, Pépé. Allez, de toute façon, je t'ai dit, je vais répondre oui. Ça dépend. Le 12. C'est quoi, c'est un quiz ou 12. C'est des questions de type personnel? Bah attends, tu verras. Ah, bah la 12, où vas-tu? Oui. Ah, il avait annoncé la couleur. Il a pris personne par surprise. Plus un escroc que moi, presque. Et donc, Benjir, donne-moi un chiffre entre 1 et 93. Le 42. Non, mais le 42. J'ai l'impression qu'il est avant ou après. Le 21. Le 21. Allez, ah, 21. Les 21. Mon âge. Le Viet C. Ah, oui, une question de flag. Oh, putain. Merci, patron. Ah. À quelle heure passe le bus? 17h43, je crois. Ah, c'est un bus SNCF alors. Quelle heure passe? J'avoue que ça, c'est une belle question, Quelle heure est-il? Bah oui, il fait bon. Et puis Gandalf, tu voulais une question, t'en connais. Allez, parce que déjà, on va les faire entre nous un peu. Entre 1 et 93. 51, tiens. Parce que c'est très Ricard. C'est une question de Oasis. Ah, is good. Quelle température fait-il Oasis, Oasis? La question est très, très premier degré. Oui, tu peux, oui. Mais c'est les plus déconcertantes. Hein. Quand un schtroumpf se cogne, est-ce qu'il a un bleu? Ah putain, elle avait déjà fait celle-là. Il me semble. On l'avait déjà fait. Je sais pas. Ça dépend à quel niveau il se cogne. Il se cogne les couilles. Tu connais les blagues de l'ours bleu? Parce que si le schtroumpf ne se masturbe pas depuis quelques temps, est-ce qu'il a les couilles bleues aussi? Je sais pas. Il voit la schtroumpfette, il y a peut-être les couilles bleues. Voilà, c'était tout pour moi. C'est tout pour toi? Ben alors on va passer à la suite. Hop, le temps que je retrouve. Bah c'est tout pour moi. Hop, hop, hop. Eh ben oui, c'est ton dos quiz. Ah, une belle enculerie. Allez, 10 pages. Après le minimalisme. Oh non, mais jingle. Pardon, excuse-moi. Ma main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Non. Oui, ça chronique suivante. Non. Oui. Entre Choisis le roi et Bourg la reine, à mon avis. Il y en a un peu dedans, il y en a un peu le dedans. Le roi et les reines, ah, bah, il y a un petit peu des trucs, quoi, quand même. Ouh, t'inquiète pas. Entre parenthèses, elle est magnifique, cette corsaine d'angle blanche. Ouais, elle est très, très légère. Très pâle. Ouais. C'est pas lourd. Alors, déjà, vous saviez que, bon, il y a des rois, il y a des reines. Ouais. Ouais. Mais des fois, il y a une autre, des titres comme ça, tu sais que c'était pas pareil, mais les intendants et les empereurs. Non, voilà, les empereurs, tout ça, etc. Alors, mais d'où ça vient finalement toutes ces différences en fait, elle est où fondamentalement cette différence? La taille de l'an, enfin la taille des, voilà, en fait, des nations. C'est un peu, petit peu plus, voilà, le nuancé. C'est je voulais pas dire empire. C'est l'histoire de généalogie. Ouais, mais non, un petit peu différent. C'est l'idée. Bon, c'est un truc que j'ai. Voilà, c'est un empereur dirige plusieurs royaumes. Qui s'obtiennent par la force. C'est pour ça qu'en Chine, c'était un empereur aussi. Parce que c'était plusieurs royaumes qui étaient régentés, etc. Napoléon, même, ce sera noté un petit peu plus tard. C'est pour ça que Napoléon, lui, a préféré le titre d'empereur, parce qu'il a été un petit peu conquérant, on va dire. C'est systématiquement par la force. Parce que ça a l'air d'être la condition sine qua non de ce que tu viens de dire. Bah ouais, parce que quand tu parles d'empereur, il y a quand même une dimension militaire, vachement. Voilà. Ouais, mais regarde l'empire d'Autriche-Hongrie. Moi, je suis pas sûr que l'Autriche-Hongrie, à une époque, ça se soit fait dans le sang et les larmes. C'était énormément, tout ce qui était l'Allemagne et l'Autriche, c'était énormément de tout petits royaumes. C'était énormément, j'en reviendrai après. Allez. Mais c'était des gens, c'était un peu castre, c'était un peu le... Voilà. Donc là, on est plus sur une notion militarisée, quoi. C'est ça, voilà. On va dire que la version diplomatique devait être extrêmement rare, on va dire. Bonjour, on va dire que c'est un gros réseau de podcasts avec plein de petits podcasts. Et que ça accouche dans la douleur. Et en même temps, on n'a pas encore trouvé l'empereur du podcast. Celui qui va régner sur tous les petits royaumes. Henri Michel. Il y en aura pas. Podcastéo, Bad Geek, etc. Il n'y en aura pas, il se fera couper la tête systématiquement par un autre corps. C'est Henri Michel. Il est déjà là, quoi. Ah, fais-moi que Brutus il arrive. Dis ça, je dis rien. Mais moi je déconne. Et après, je fais tomber la température. On a aussi eu des déformations d'empereurs. Et c'est par exemple le tsar. Hein, Nicolas II. Voilà, Nicolas II par exemple. Ou le Kaiser aussi. Ah, Kaiser Soze. Ouais, et ça vient d'où ça? Mon préféré, Kaiser. L'Allemagne. Hein le tsar et Kaiser. Ça doit être de la sémantique, mais ouais, c'est connu. Kaiser, c'est, chancelier. Vous devez forcément connaître Kaiser, le personnage. Chef, Kaiser, non, chef, non. Kaiser, ça vient de César, c'est pas ça? C'est ça. César. Ça vient de César. Et tsar aussi. Ah, la contraction César. Ouais. Parce que les mecs mangeaient beaucoup de salade. Avec des croutons. Des cotons trempés du pipi. Oui, mais mets-moi un gros troupeau de corbeaux alors. J'ai mis un talon. Bah, je peux te mettre un canard si non, tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. Tu veux un canard ? Eh, mais tu vois, là. Ouais, tu veux un canard, ouais. Bon, allez. Eh, tu vois, c'est bien. C'est marrant, j'avais pas fait le rapprochement. César, Kaiser, ouais, Tsar. Ouais, ah, bien joué, Pépé. Eh ouais. J'y étais pas. Les mecs étaient tous sortis par Césarienne. Ouais. Et alors, c'est rare que se pose une question. Et pourquoi le Japon en fait ? Mais parce qu'il n'y a pas eu la guerre d'expansion avec la Chine. Bah en fait c'est un peu grâce à tout ça, tu vois. En fait c'est une espèce de globi-boulga parce qu'à côté y avait la Chine, donc forcément les emprunts chinois dans le Japon sont quand même assez peu prégnants. Hein. Pour pas les voir, c'est un petit peu compliqué on va dire. Mais c'est surtout qu'ils ne se sont pas limités à ça, ils sont passés par à l'époque c'était pas encore la Corée, mais ils sont passés par le territoire de la Corée, du Vietnam et tout. Donc il y a eu pas mal de choses, oui. Mine de rien, les Japonais, hein, on rigole, ils sont petits, machin, comme David et tout, mais c'est une sacrée politique d'expansion aussi. Hein. Oh bah, je ne dirais pas. C'est pas que des gentils non plus. Ils n'ont pas beaucoup d'amis autour d'eux, hein, les Japonais. Ils sont plutôt pas copains avec tous les gens. C'est marrant parce que tu prends les Japonais dans le Pacifique et tu prends les Anglais dans la mer du Nord, c'est quand même un petit peu la même chose. Hein. Ouais. Franchement, ils seraient pas un peu consanguins, ceux-là ? Je dis ça, je dis rien. Donc, à la limite, ce qu'on peut dire, c'est que les Anglais, c'est juste des Japonais qui ont été débridés. Voilà, c'est là les droits du roux, quoi. Allez, pour moi. C'est plus le Portugal. Et comme dirait l'autre, si c'est chaud, c'est de la soupe. Et si c'est froid, c'est de la bière. C'est ça, la gastronomie anglaise. C'est pas du thé ? Bon, c'est dur. Donc voilà, on avait du coup les Japonais ont dit on va faire un royaume. De toute façon, en plus, pour ceux qui sont intéressés à l'histoire du Japon, à l'époque il y avait pareil, c'était finalement il y a eu énormément de royaumes, il y a eu le Tokuga, tout ça, etc. Il y a eu un petit peu de la bisbille, diront certains. Après, on va dire que les Américains ont un petit peu réglé tout ça en venant tranquillou bilou dire bon, écoutez, maintenant les conneries ça suffit. Enfin, les conneries ça suffit, le pas commerce mondial ça suffit. Donc, venez avec nous, on va moins rigoler. Donc c'est vrai que l'histoire du Japon est quand même hyper intéressante parce que les mecs ils ont passé quand même deux mecs qui faisaient comme avec trois katanas là, les mecs ils se prenaient pour Naruto là, puis les mecs même pas 100 ans après ils se foutaient à foutre une tech à la Russie quoi. Qui était l'une des puissances militaires à l'époque les plus. Pour compléter ce que tu dis par rapport à l'histoire du Japon, et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure dans Quoi qui se passe, je crois. Tu corpo. C'était la semaine du Japon sur Arte, où ils ont, à mon sens, bien expliqué et bien développé le développement du Japon et notamment de Tokyo qui s'appelait Edo. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. T'as regardé le documentaire, je sais pas quoi, Apocalypse là. Ouais, ils ont montré l'évolution de la ville d'Edo qui est devenue Tokyo en partant du principe qu'avant c'était les samouraïs qui ont perdu leurs privilèges et toutes les conséquences que ça a généré derrière. C'était fabuleux. Ouais. Donc ça peut être un très bon complément à ce que tu es en train de nous expliquer. Très bon documentaire. Et après. Bon, forcément, avec les évolutions, on va dire que les peuples, un petit peu, ils ont eu un bon moment. Les peuples sont devenus un petit peu vénères aussi. Ça vous vous rappelez, hein ? Ah, bah oui. En France, tout ça, etc. À un moment, on a eu une période qu'on appelait chez nous de transition parce que ça n'a pas duré longtemps, mais dans d'autres pays, ça a duré. Ça a été la monarchie constitutionnelle. Sauf que nous, en France, on a été un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus ferme au niveau de tranchant. Voilà, tranchant. Niveau du coup. Mais à l'époque, ça faisait pas partie des trucs hein, prévus. Hein. À l'époque, le roi, on ne pensait pas le guillotiner. Hein. C'était... Non, mais ça fait du bien de temps en temps. Voilà. On va dire qu'en France, on a un certain. On aime bien aller un petit peu plus loin que chez nos voisins. Voilà, on est un petit peu comme ça. Mais disons que ce qu'on aime bien en France, c'est attendre de se faire enculer jusqu'à ce que ça fasse vraiment bien vraiment mal. Et là, c'est mal, on te dit, mais pourquoi t'as réagi de façon si disproportionnée? C'est ça. C'est très donc c'est vrai qu'on attend de tomber dans un extrême pour aller directement dans l'autre. C'est ça, ouais. Mais c'est bien. On va aller loin. Donc on a des monarchies constitutionnelles. Je parie que certains peuvent inciter autour de la table. Bah ben oui, l'Angleterre. Pays-Bas, l'Angleterre. L'Angleterre, voilà. Après on a par exemple la Belgique. On a l'Espagne, voilà. Le Danemark. Et moi j'en ai d'autres. On a aussi un tout petit pays où on va chercher les cigarettes. L'Espagne, l'Andorre, oui. C'est pas un pays, c'est une principauté. Oui, mais sauf qu'on vote. Principauté. C'est une principauté. Ouais, mais on vote aussi pour le roi. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas de roi, si. C'est le prince, non ? Ouais, c'est une espèce de prince, c'est un peu bizarre en fait. C'est pas co-géré, genre le président français, oui, c'est un peu prince d'Andorre, et il y a un truc aussi du côté espagnol. Ah, si, c'est ça, ouais. Ah, bah voilà, tu vois. C'est chapeauté. Enfin, c'est un peu compliqué. Non, c'est juste. On va faire une vérification Wikipédia. Voilà. A noter qu'il y a un très groupe de métal progressif, Persephone, c'est un groupe de métal andorran. Pour citer un groupe de métal andorran. Je ne sais pas que ça existait. Mais encore, il y en a d'autres. Voilà, par exemple, si je vous dis qu'en France, il y en a une monarchie constitutionnelle. Monaco. J'ai dit en France. Ah, en France, pas géographiquement. Hein, la France, l'entité. La France. Ah. Il y en a une monarchie constitutionnelle. Oh, ah, c'est pas cet original là qui a déclaré son indépendance. Non, pas du tout, c'est tout à fait légal. Ça fait longtemps que ça dure. Oui. C'est sur le territoire national en Guyane, ou c'est dans les Dom-Tom. Il n'y aurait pas un roi. Voilà, voilà, vous commencez à vous approcher du. Ou Suriname ou un truc comme ça. Alors je vous dis un W. Wallis et Futuna. Ouais, Wallis et Futuna. Ouais. C'est français par exemple. Oui, c'est un territoire. C'est un territoire. Yeah. On a aussi par exemple la Jamaïque, on l'oublie. C'est un territoire. C'est un territoire anglais. Oui. Ça fait partie du. Ça fait partie du truc du Commonwealth. Et on a aussi, pour citer encore, pour finir, donc la Thaïlande aussi. Oui. Ouais. Voilà. Oui. D'ailleurs, je crois que le prince, le prince est un petit peu barjou dans sa tête. Oui, le prince est un petit peu barjou dans sa tête. Ouais. Il a beaucoup de followers sur Instagram. Quoi. Oui. Voilà. Oh, faut bien s'amuser. Comme Macron. Ouais. Et c'est plus, pas... à mon ami. Il fait des vidéos exprès et tout. Et pour finir, par exemple, on a les Tonga aussi. Les Tonga. Ah ouais. Le string. Le string prom. Voilà, toujours. Voilà, voilà, c'était pour voilà. Pour l'Andorre, c'est bien ça. Il y a bien deux ouais, éléments. Il y a Emmanuel Macron et actuel co-prince français d'Andorre. Et Monseigneur Johan Emeric Vives y Sicilia, actuel co-prince épiscopal. Chef d'État et de l'Église. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas un vrai royaume en Andorre, c'est un paradis fiscal qui est déguisé en royaume. Non, pour, ils ont leur propre statut. Ils ont leur propre statut. Ouais, mais c'est pas un paradis fiscal, c'est devenu. Parce qu'à la base, justement, de ce qui dit Wikipédia, c'est la principauté doit sa création, dont la création remonte en 781 sous le règne de Charlemagne. Ouais. Donc c'est bien une principauté et ensuite qui a été un petit peu. Ils en ont profité quoi. Et il y a des mais il y a des territoires comme ça, c'est pareil. Il y a je crois que c'est en plein milieu des Pyrénées Atlantiques. Non, des Pyrénées Orientales, je crois qu'il y a il y a un village espagnol. Oui, c'est à côté d'Enpech et de Ur et de. C'est ça, donc c'est, en gros, t'es en France, tu fais un mètre et t'es en Espagne. Je savais pas. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ah, je veux bien savoir. C'est une enclave. Ouais, comme le Lesotho en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Comme le truc des Russes là à côté de. Le Lesotho ne s'appelle plus le Lesotho d'ailleurs, je crois. Je sais pas, moi je suis resté à l'époque colonialiste, à la vraie époque. La vraie époque. Celle où on était bien, celle où on avait des Afrikaners en Afrique du Sud. Voilà. Et je vais vous donner des surnoms de rois aussi. Vous voulez dire. On a par exemple Clodion le chevelu. Ouais. Clodion chevelu. Alors c'est Livia. Livia. Il y a deux L-I-V-I-A. Deux. L'enclave espagnole en France. À côté de Puigcerda. Et je crois qu'il y a une, je sais pas si une enclave allemande aussi. Puigcerda c'est espagnol. Puigcerda c'est espagnol. Et le côté français c'est Bourg-Madame. Et t'as Bourg-Madame qui est. Non, c'est pas la même ville là. Bourg-Madame. Ah, c'est ça. Si, si, c'est ça. Puigcerda. Encule monsieur et Bourg-Madame. Heureusement, voilà. Donc t'as Puigcerda, Bourg-Madame qui sont vraiment de chaque côté de la frontière. Donc côté Bourg-Madame, tu remontes un petit peu, t'as Ur qui est toujours côté français. Et tu vas un petit peu en haut à droite, là tu as Livia qui est espagnole. Ouais. Tout à côté, tu as la France. Et tu as la nationale qui passe en plein Espagne, mais qui est une nationale. Et est-ce qu'il faut un passeport? Ah ben non, avec les frontières, on n'a plus besoin. Espace Schengen, c'est bon. Ouais. On a. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est Childéric ou. Childéric. Ouais, Childéric. Premier roi des. Non, c'est Clovis le premier roi des Francs. Clovis. Ouais. 3, le fainéant. Ouais, ça me correspond. Le fainéant, c'était pas un Pierre ou un quelque chose. Ah non, mais c'est des vrais. Oui, il y en a vu plein, des rois fainéants, il y en a eu plusieurs. C'est pareil, on a eu les rois fainéants, ça c'était les Bourbons. Ouais, on se rappelle par exemple de Louis VI. Louis VI le Gros. Voilà, mais il y a eu avant Charles le Gros. Charles le Gros, oui. Voilà. Et par exemple, on a eu Jean Ier le. Non, non, il y a un titre encore plus what the fuck. Hein. Petit. Jean Petit. Non, on va dire que. C'est un roi de France, Jean Ier ? Oui. On va dire que si un jour il t'arrive quelque chose, peut-être que des gens te diront quelque chose à titre. T'es dans la merde. Il t'a ravi. Non, si t'arrive quelque chose et que t'es vraiment un petit peu décédé. Jean Cul. Le posthume. Voilà, donc Jean Ier le posthume. Ça, c'est quand même un titre qui m'a fait un peu. Je dis tiens. Alors maintenant je vais vous parler des règnes les plus longs. J'ai un petit peu mixé, hein, j'ai pas allé au stricto sensu. Il a pris les plus longs, les plus courts, il a fait une moyenne et voilà. Puis à toi de te démerder. C'est ça. Donc on a eu par exemple, alors c'est pour l'Europe, hein. C'était Bernard VII, seigneur de Lippe, ou de Lippa, je sais pas comment ça se prononce. C'est en Italie. Je crois, si t'as un VPN, tu peux changer ton IP. Alors lui, il a régné, attention les enfants, du 11 août d'ailleurs, 1429, au 2 avril 1511. 81 ans, 7 mois et 22 jours de règne. Mais Louis XIV, c'est un petit joueur à côté. Ah, mais clairement, petit joueur. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu passais déjà les 40 ans, t'étais déjà. Mais t'imagines, il est mort à quel âge, ce mec-là? Ah, je sais pas, mais je pense qu'il a dû commencer. Parce que déjà, régner 81 ans. C'est quoi son nom? Bernard VII. Bernard VII, ouais. Là, par exemple, on a Louis XIV de France, donc lui, c'était le 14 mai. 72 ans? Ouais, c'est ça, c'est 72 ans, 3 mois et 18 jours. Ouais. C'est déjà énorme. Pas mal pour l'époque. Déjà pas mal. Et par exemple, je vais vous parler de quelqu'un qui règne encore, et c'est Elisabeth II. Trop longtemps. 10 ans qu'elle y est, non? Trop longtemps. Oui. Alors, Bernard VII d'Armagnac ou Delippe? Delippe. Elisabeth II, ça fait moins de 70 ans. Elle régnait quand même avant la guerre de 40. Un peu après. Après, puisque son mari était dans l'armée, mais elle n'était pas encore reine. Georges V, il a... Georges VI, elle n'était pas dans l'armée. Elle était ancienne. Sa mère était encore là, quoi. Ouais. Son père. Elle a commencé en 1952. Ouais. 83 ans. Ouais, donc, 83 ans, bah c'est. Ah, il était roi à 2 ans. Ah, mais c'est possible, hein. Vous allez voir, il y a des exemples. Oui, après tu as un. Né 1428 et mort 1511. Comment ils appellent ça? Celui qui règne en attendant. Le régent. Ouais. C'est comme un gérant. C'est comme un gérant, mais il n'a pas les mêmes pouvoirs. Il peut être jeune en tôle. Oui, donc, ouais, c'est ça. Il règne pendant 81 ans et 234 jours. Ouais. C'est balèze, hein. Ouais. Pour 200. Pour surtout à l'époque. C'est surtout la durée de vie qui est remarquable pour l'époque. Ah, c'est ça. Ah, oui. Donc, Elisabeth II, ça fait déjà 66 ans. Qu'elle est assise et qu'elle est bien. Et du coup, elle a battu par exemple le record de la reine Victoria. C'est combien d'années, là? C'est balèze. Ah, c'est une cinquantaine. Rien, ça doit être une cinquantaine d'années. Parce que ça. Elle avait dépassé 55. Ouais, elle dépassait les 60. Ouais. 63 ans, 7 mois et 2 jours. De 1937 à 1900. 63 ans jusqu'à sa chute, Victoria. Putain. C'est une blague que tu nous as fait. Elle est bonne, celle-là. Franchement, elle est bonne. De quoi? Elle est passée crème. Le coup de la chute de Victoria, c'était. La reine Victoria qui a régné jusqu'à sa chute. Alors là, on va changer un peu de territoire, hein, parce que vous comprenez bien qu'on ne va pas faire que les territoires européens, on ne peut pas se déblancer ses terreaux dans cette émission. Vous prendre le. Merde. Non, j'ai du sang, On ne sait pas. On sait pas. Je suis peut-être libanais, vous ne savez pas. Ouais, vas-y, continue. Alors là, j'arrive pas à vous dire le nom, hein, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est Majouji Rao, 4 par an. Et lui, combien de temps il aurait régné d'après vous? 60 ans, 70 ans. Ouais, c'est ça, plus 70 ans. Ouais. 70, 72. Un petit peu plus. 73. Un petit peu plus. 78. Et un petit peu moins. 76. Un petit peu moins. 76. Un 75. Un petit peu moins. 74. Voilà. 74. Plus ça. 75 plus. Ah merde, non, je dis moins. Donc il est né en 1938 et il est né en 1916 quand même. Hein. C'est pas mal. Ah, mais donc il est né en 1838. 1838. Non, il est mort en 1938. Oui, t'as déjà fait la même photo juste avant. Juste avant, hein, c'est ça. Merde. Elle est née en être morte. Je l'avais pas relevé. Elle a commencé à régner en 1937 et elle a fini en 1901. What the fuck? Ouais, c'est un peu l'alcool. Bon, en fait, il a fait plein de trucs. Il a fait Maharaja, il a fait. Il a beau dos d'alcool. Ouais, ouais. Et par exemple, je vais vous parler de Mohamed Eila. La muet. Alors lui, il était, je sais pas ce que c'est, il était Oluwo Diou en Nigeria. Je ne fais que dire des mots. Il est jamais du français. Oui. Il a copié l'article Wikipédia. C'est ça, j'ai oublié. Ah non, mais les liens qui allaient avec. Ah non, mais là, vous allez voir, c'est quand même what the fuck. Et combien de temps il aurait régné d'après vous? 72 ans. En Éthiopie. Un petit peu plus. Il a dû affamer du monde pendant 80 ans. Un petit peu plus. 90 ans. Un petit peu moins. 89 ans. 89 ans de règne, mes enfants. En 1816. Ouais, mais en Éthiopie, ils avaient rien à manger, l'esthétisme. Nigeria. Bon, je me suis trompé. Nigeria. Ne te moque pas des petits noirs. Black de Zimé Goutte. Ouais, je pense. 1916. Un petit peu raciste. Enfin, raciste. Enfin. De deuxième écoute. C'est pas grave, on la garde. Là, maintenant, on tombe sur les mecs quand, ou les meufs, hein, ou les go. Hein, je sais pas. Les personnes. Terre. Voilà, les personnes. Les non-binaires. Non, merde. Les personnes. Voilà, les personnes. Quand même un petit peu moins de bol qu'eux, on va dire, ils ont été un petit peu moins argentés, on va dire, c'est bien. Ah, ils ont régné moins longtemps. Voilà, donc on va dire que par exemple, on a l'empereur Yuan Gao de Chine du Nord, de la dynastie Wei du Nord, à Jiangmei. Lui, il a fait donc de 528 à 528. En une heure. Quelques mois. Ça fait moins d'un an, et il mourut noyé à l'âge de 2 ans. C'est comme, t'as la guerre la plus courte sur Wikipédia, c'était marqué, ça durait 6 heures. C'est 6 heures, c'est la guerre du Kippour. Les mecs, ça s'en prend tellement plein la gueule. La guerre du Kippour, les mecs, ça s'en prend tellement plein la gueule. Après, on a l'impératrice Hazarmedjoukt de l'empire Sassanidi, de Grand Iran aussi. Alors, elle est, ça, c'est drôle aussi. Parce qu'elle l'a fait de 1900. Alors, c'est en 630, pardon, 630. Elle a fait quelques mois en fait parce qu'elle a été détrônée, aveuglée et exécutée. Tout ça dans le même ordre. Tout ça dans le même ordre. J'ai du mal avec les chiffres. Hein. Ouais, oui, j'ai du mal. On va t'appeler Mathilde. Non mais. Non mais le pire c'est que j'ai pas compris. C'était le seul sur Wikipédia qui était vraiment à l'envers. Il est vraiment à l'envers. Parce que tous les autres ont la bonne date, mais il est vraiment à l'envers celui-là. Après on a l'empereur maudit. Pas celui qui règne sur l'Inde en ce moment. Lui c'est Barbeau, c'est toujours pareil, c'est 1234, ça se suit, c'est joli. Alors il fut choisi, il choisit comme successeur de l'empereur Aizong, il se suicide. Voilà, parce qu'en fait les Mongols ont attaqué la ville et les On a l'empereur, ça va te plaire, ça t'est par exemple aussi, on a l'empereur Michel Ier. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, Michel Ier. Michel empereur de Nice. Voilà, c'est ça. Il est de l'empire. C'est Henri Michel. Très bisonde. Ça n'engage que toi. Voilà. Donc lui, en fait, il a fait du 30 juillet 1341 au 30 ou 31 juillet 1341. On n'est pas sûr, hein, à 100%. Quelques heures à peine. Renversé par une faction de nobles hostiles, quelques heures après sa proclamation, il remontera, il a de la chance, lui, sur le trône quelques années plus tard. Et à noter que dans le même royaume, on a eu Alexis V. Alors lui c'est pareil, c'est le même jour, hein, c'est le 22 avril 1458, toujours pareil 1458, quelques heures, il succède, à son père à l'âge de 4 ans, mais n'a pas le temps de se faire reconnaître, car tout de suite son oncle David le détrône et se fait acclamer empereur. Tonton David. Tonton David, voilà, tonton David, ouais. Il arrive et... Ouais. Maintenant je vais essayer de vous faire deviner un roi. Alors attention les mecs, ouvrez les écoutilles parce que le nom est... un petit peu court, hein. Il va falloir être... vous allez trouver rapidement. Donc c'est Pedro del Alcantara, Jajo Carlos Leopoldo, Salvador Bibiando, Francisco Javier de Paola Leo Candiodo, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. A tes souhaits. Le roi du pétrole. C'est un vrai roi. Non, c'est le roi d'Espagne. C'est Juan Carlos. Non. T'en répètes Juan. Alors, Pedro de Alcantara. Non, je le dis mal, mais c'est pas comme ça que je devrais le dire. C'est plutôt. Non, c'est pas du tout comme ça que je devrais le dire. C'est Pedro de Alcantara, Raro Carlo, Leopoldo Salvador, Bibiano, Francisco, Javier. Non, c'est même pas Javier que je devrais dire. De Paola, Leo Dio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Gonzaga ? Ouais, il a régné de 1831 à 1889. Je crois que c'est même ses périodes de vie, je crois, plutôt. Mais comment est-ce que tu veux qu'on trouve ? Il était, attends, c'était quoi ? C'était un espagnol ? C'était un portugais ? C'était quoi ? Portugais. Mais portugais, mais... Brésil. De France. Voilà, c'est ça. C'était le roi du Brésil. C'était Pierre II. Pedro du Brésil. Ah, le petit Pedro, c'est le petit Pedro. Voilà, le petit Pedro II du Brésil. Voilà, il est... du... voilà, donc il faut se rappeler qu'à une époque, au Brésil, il y a eu des... Une monarchie. Une monarchie, voilà. Et c'est ça qui m'avait donné envie de faire le dossier, d'ailleurs. Après, quand j'avais découvert ça, j'ai dit, mais c'est quoi de faire. T'as des drôles en vous, toi. Ouais. Oui, mais voilà. Oui, donc, non, mais... Faut faire des trucs un petit peu. Pourquoi pas. Maintenant, on va finir sur un truc un peu plus fun, hein. Enfin, fun. Vous savez que moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait des articles sur des gens qui meurent. Ah. Vous savez, et que moi, les gens qui meurent, c'est une grande passion chez moi. Avec nécrologie. Voilà. Donc, le 13 octobre 1531, Philippe. To be free. Qui se déplace dans les rues de Paris, chevauchant son fier destrier, quand soudain un cochon domestique se jette sous son pas, le pas du cheval, bien évidemment. Et paf, bien évidemment, le roi tombe de son cheval, la tête la première. Et le cochon, non content d'avoir fait tomber le roi, le piétine. Le piétine, voilà. Hey, il mange l'œil. C'est ça. Voilà, donc ce roi en fait est mort, voilà, il est mort d'un accident de cheval à coup. Comme un gueux. Comme un gueux. Accident de la route. Un accident. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que visiblement on a un petit peu réduit le. La vitesse limite des cochons en liberté dans Paris. Depuis on roule à 80. Par exemple, on a le roi Louis III, arrière-arrière petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuivit à cheval une jeune fille qui résistait à ses avances, MeToo, hein, hashtag MeToo. Il heurte violemment un linteau de porte, vous s'est démerdé, trop bas, et se fracasse le crâne. Il a voulu rentrer dans l'étable et puis il a oublié qu'il y avait une porte. Dommage. Il ne veut toujours rien venir. Et à noter que c'est visiblement un petit peu une malédiction, parce qu'on a le roi Charles VIII, qui meurt aussi très violemment après avoir heurté violemment un linteau de porte du château d'Amboise, alors qu'il se rendait à pied à un jeu de pommes. Mais relevez vos portes, bordel. Oui, mais c'est ce qu'il arrive, Abus. Abus, ils l'ont mis, Abus, ils l'ont foutu, si tu veux, ils l'ont laissé un petit peu... Abus, ils l'ont laissé un petit peu comaté sur une boîte de fouet, en cas où ils se remettent. Ils ont fait une petite saignée, histoire de qu'ils se remettent plus vite. Je crois qu'on appelle ça une Cyrano de Bergerac. Ah oui. Après, alors ça c'est moins drôle. Enfin, c'est pas un roi, mais je l'ai mis parce que ça faisait partie des morts un peu drôles quand même. C'est Hans. Il est mort. Il est mort du lien sur flamme. Ah oui, le ketchup. C'était le maire de Braun en Autriche. Il meurt le cou brisé après avoir marché sur une merde. Une peau de banane. Une poutre. Non, il n'a pas la malédiction des rois de France. Une biscotte. Il meurt après avoir mangé la biscotte, bien évidemment, c'était ça. Non, il a marché sur sa propre merde. Barbe. Oui, bravo, oui. Sa barbe qui faisait 4,5 pieds tout de même. Il avait une barbe de 1,40 m quand même. Belle barbe. Et il était entouré dans un étui en cuir. Donc en fait, il a marché sur sa propre barbe. Après, on a aussi le roi. Alors là, on revient à un roi. Donc, c'est le roi Nandayan. C'est un roi birman. Et en fait, c'est assez cocasse. Il est mort de rire. Ah, bien. Il est mort de rire en apprenant de Marc. Il est MDR. Mais non, ça fait bien sur la pierre tombale. MDR. Mais pour de vrai, et le pire, c'est qu'il est mort de rire en apprenant d'un marchand italien que Venise était une république et n'avait pas de roi. C'est vrai que c'est poilon. C'est cocasse. C'est cocasse. C'est plutôt cocasse. C'est cocasse. Ça méritait d'être souligné. Ouais, ça méritait d'être souligné. Maintenant, je vais vous parler des gens un petit peu biaiseux. C'est un peu le regard coquin. Le regard coquin. Ils ont fait des trucs un peu chelou. Donc, on a par exemple Isabelle de France. Donc, la fille du roi Philippe IV le Bel a épousé à 12 ans, hein, en 1308, le roi Édouard II d'Angleterre. Ça doit être parlé un petit peu plus. Et ça se passait pas trop mal. Voilà, on va dire que bon, ouais. Sauf que de temps en temps, Isabelle elle avait un peu le regard, un peu, elle se disait, d'ici, on va faire place, on va être un peu, tu vois, on va être un peu cool, tu vois. Donc en fait, elle se trouve des copains un petit peu. Donc en fait, en 1312, pardon. Ah, j'ai du mal avec les chiffres. Hein. Ah oui, là, vraiment. Elle a bien vécu. Ah oui, oui. Elle a bien vécu. Elle a dû faire la bombe, là. Donc en fait, elle s'était déjà trouvé un petit copain avant, qui s'appelait Pierre de Gabaston, et pas Pierre de Gaston, bien évidemment. Bon, lui se fait tuer par les opposants de d'Edouard II. Louis Cravé-Bâton. Voilà, de Louis Bâton-Bâton, d'Edouard Bâton-Bâton, voilà. Et après, elle se retrouve un autre copain, pareil encore, parce que bon, tu comprends bien que les amants et tout ça, fallait bien s'éclater. Donc, elle retourne en France, parce qu'au bout d'un moment, elle est peut-être un petit peu marre, je sais pas. Mais encore une fois, il y a des mercenaires qui reviennent pour tuer le nouveau favori. Donc, voilà. Et elle se fait aussi. Elle fait aussi destituer du coup son ancien mari aussi, parce que ce n'est pas drôle, Édouard II, et le fait emprisonner. C'est Édouard III, leur enfant, qui succède au trône. Sauf que, bien évidemment, et pendant que son mari est en prison, Isabelle de France lui a fait amener de la visite. Des hommes sont venus lui enfoncer un fer chauffé à blanc Dans le nez-cul. Voilà, dans l'anus. Hey. Pour le rôtir de l'intérieur. Voilà, donc en fait, voilà. Lui, il était pas végétarien. Non, pas cool. Non, pas cool. Pas cool. C'est pas gentil de faire ça. Alors là. Il doit y avoir du caca dans l'intestin. Voilà, alors là on... Je vois pas trop le rapport, mais... Bah ça brûle pas très bien. Non, t'as raison. Non, bien sûr. Ouais, mais avant le caca, il y a un petit peu de... Encore un qui avait le feu au cul. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. C'est pas que, a priori, bien à l'intérieur aussi. Voilà. Il avait des brûlures d'estomac, le pas. Donc là, je passe content quand même. Là, des quatre que j'ai à vous proposer, c'est quand même le plus haut level. Donc là, c'est une femme. C'est Zhu Tian, voilà. Donc c'était en Chine. Là, il faut un peu s'accrocher. Donc, c'est Dai Guang le Grand était empereur de Chine au 7e siècle et Zhu Zetian faisait partie de son harem, mais était proche de son dauphin, Guizhong. À la mort de l'empereur, son fils... Le dauphin ? Hein ? Non. Ouais, c'est ça. Son fils, Guizhong, lui succède. Problème, il a une épouse. Zetian veut sa place, mais... elle est même une fille, ce qui n'est pas génial pour offrir un héritier à Guizhong. Alors elle tue sa propre fille, voilà, et l'accuse l'épouse de l'empereur d'avoir commis ce crime, à l'accusant au passage de sorcellerie. Comme à l'époque on était superstitieux, on demande à Zhuangtian de s'occuper du cas de l'épouse. Elle la condamne à un supplice dégueulasse. On lui coupe les bras, on lui coupe les jambes et on la met dans un bain de vinaigre pour que tout ceci cautérise. Voilà. Et elle meurt bien lentement, bien évidemment. Voilà. Et c'est gagné, donc elle devient impératrice. Voilà, parce qu'un petit peu fait place nette. Par la suite, comme certains s'opposaient à son pouvoir, elle est fait aussi tuer, bien évidemment, ça ce n'est pas drôle. Et comme on lui demandait de laisser sa place à ses fils, elle les a fait aussi tuer, elle en avait trois. Sont décédés, c'est bizarre, hein. Aucune pitié. On la soupçonne aussi d'avoir fini par tuer son mari qui était malade. Ouais, faire, tue là. Tout le monde. Quoi. Ouais, voilà. Et comme ça conclut pas, de toute façon, on n'était plus à ça près. Ouais, putain. Voilà. Donc en fait, bon, de temps en temps dans la vie, il faut s'en faire place. Voilà, c'est du minimalisme, voilà, il faut s'en faire place nette. Ah oui, là vraiment, on est en plein dans le minimalisme. C'est débarrassé de tout ce qui nous arrive. Elle a fait d'une pierre deux coups, elle a fait la place, les relations publiques, elle a tout fait. Ouais, voilà. C'est original. Faut pas aller chercher plus loin. Par exemple, après, pour vous parler, je vais vous parler du roi Fakur d'Égypte. Ouais. C'était de 1000. Oh, mais Fakur alors, parce que là, ça fait un moment. Ouh là, Lou, lui, t'as droit à ça. Ah, parce que après ce dossier sur les rois, moi, j'ai envie d'aller sur le trône. Hein. c'est 20e siècle là. Alors qu'il est extrêmement populaire lors de son accession au pouvoir, à peine 16 ans. Fakur réussit à mettre tout son peuple à dos, en dépensant un fric monstre dans des fastes démentiels. Voilà. Ouais. En 1943, il a un accident de voiture qui le rend un petit peu... Con. Un petit peu ding ding, ding dong. Et ainsi, c'est la déchéance. Il prend 50 kilos. Continue, enchaîne, ouais. Vas-y. Il prend 50 kilos, bouffe de tout quand l'Égypte crève la faim. Il vole plein de conneries, sinon ce n'est pas drôle. Ça dit se continuer, notamment une montre appartenant à Churchill, hein, quitte à se faire, autant se fâcher avec ses amis. Il a braqué Churchill. Oui, il a braqué Churchill. On raconte aussi qu'il s'est rendu dans un zoo pour tuer tous les lions sous prétexte qu'il avait fait des cauchemars avec des lions dedans. Oh. C'est moche. Ça, c'est un bon roi, ça. Alors lui, par contre, c'est un petit peu... C'est drôle et triste à la fois, parce que le pauvre, on va dire qu'il n'a pas été gâté par la nature. C'est le roi Charles II d'Espagne. Mmh. Il ne faut pas être Sherlock Holmes pour voir qu'il y a un problème rien qu'avec sa tête. La débilité de Charles II est liée à la suite sans fin de mariage consanguin ayant marqué la dynastie des Habsbourg. Habsbourg, hein, voilà, c'est ça. Bref, j'aime beaucoup cette phrase. Bref, Charles est con comme un boulon. Je l'ai mis avec pour ça, il est pas comme un moulin. J'étais mort de rire avec 10 ans. Il ne sait pas parler avant 4 ans, pas marcher avant 8, ne sait pas lire avant 10 ans. Ah ouais. Donc David, garde espoir. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. En réalité, Charles II est atteint d'une maladie chromosomique, le syndrome de Kein-Slefer, c'est. Mais comme Kensleifer n'existait pas à l'époque, on le savait pas. Ouais, c'était pas un secret, quoi. Ouais, c'était ça. Il était juste con. Before ouais, voilà. It was cool. Ouais, donc voilà. Donc en fait, les Espagnols l'ont surnommé l'ensorcelé, bizarrement. Il faut dire qu'il bavait en raison de la taille de sa langue, c'est pas très bon, et qu'il faisait tout le temps des crises d'épilepsie. Et puis du coup, il avait des hallucinations, des migraines de merde. Quoi. Le mec, il a le gros lot, quoi. Et finalement, bon, bah, en fait, il avait des hallucinations et des migraines, et puis un jour, finalement, il en est mort parce que bon, bah, tu comprends bien. Et le mec, il était roi. Le mec était roi. Mais je me demande comment on a détecté qu'il avait ce syndrome-là. Ah, mais je pense à posteriori, ils ont dû noter. Ouais, ils ont dû se dire, il y a eu des textes écrits sur lui. Mais déjà, je pense que la langue gonflée qui bave, je pense que ça me dit des choses. Ils ont vu. Ah, c'est peut-être un diagnostic différentiel. Hein? Tu sois après 30 ans, non, c'est pas ça? Ah oui, c'est vrai. Oh putain! Ah, mais cet épisode n'est pas sorti encore. Là, on est un peu dans le milieu, il est sorti. On est dans le game. Quand on en parle, il n'est pas sorti. Mais quand. Là, maintenant. Mais quand celui-là, il sera sorti. Sorti, ouais. Ça fait beaucoup de sorties. Ça fait beaucoup réfléchir. Ouais. Bon, voilà, c'était tout pour les rois, les reines et les empereurs. Les empereurs, ils ont été plus succès au film. Ouais, il y en a moins. Il y en a eu moins. Ils étaient plus merci. Voilà. Mais merci bien, je pense qu'on a fait déjà pas mal de. Je sais pas trop combien on a fait. 2h20. Que le temps 2h15. Ouais, on a commencé à 14h05. C'est déjà pas mal comme émission, on va pouvoir, ouais. Pouvoir conclure en se quittant en musique. Ziki. Avec une petite musique. Une pastille musicale. Que j'ai choisi, donc bon, vous savez à quoi vous attendre. Hein, donc éloignez-vous du poste si vous n'aimez pas ma musique. Black Metal. Mais restez proches si vous aimez bien la musique japonaise. Voilà, ce sera le titre né du groupe Perfume.